Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? Nobody leave this place without singing the blues. Elle est fâchée. I always just envisioned the right one being someone I could see myself growing old with. Tu veux ma photo, banane? Il est méchant, monsieur Brochant. Il est mignon, monsieur Pignon. Yippee-ki-yay, pauvre con. You ever get the feeling that everything in America is completely fucked up? Buenos dias. Je m'appelle Inigo Montoya. Tu as tué mon père. Prépare-toi à mourir. Qu'est-ce que tu vas dire? Peu, il sera retenu contre toi un coup, puis un tabarnak. Ok, circulez. Get away from her, you bitch! You see, we're on a mission from God. J'ai connu une fille autrefois qui habitait dans Garden Street. Il y a longtemps maintenant. Philippe! Mais qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Mais pourquoi est-ce que tu te mets en run, Philippe? Avez-vous décidé de me tuer? Après vous avoir sauvé la vie? Non. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. It was beauty killed the beast. Bonjour et bienvenue au Bras de fer des films, excusez pour le fou rire. Bonjour et bienvenue au Bras de fer des films, l'épisode numéro 31, notre épisode Time Out. Mon nom est Jean-François Tremblay et avec moi, Steven Lefrançois. Salut Steven. Salut, ça va bien? Très bien, ça va. Oui, ça va très bien. Oui, très bien, comme, ça va. Je parle comme Yoda. Très bien, ça va. Bien moi, ça va. Toi, jeune Padawan. Sinon, c'est ça. Quoi de neuf? J'ai écouté plein de films. Ouais, c'est... je veux pas deux GF en même temps, je ne saurais plus quoi dire. Là. Tu vas être trop émerveillé. Wow. OK, c'est ça, quoi de neuf? Moi, j'ai vu beaucoup de films dans les deux dernières semaines. Beaucoup de films par le même acteur. Et je l'avais déjà mentionné. J'avais mentionné que j'allais écouter des films de Pauly Shore. Puis je me suis retapé ceux que j'avais déjà vus, puis vu ceux que j'avais jamais vus. Ça doit être étrange. C'est des films qu'il faut avoir vus. Moi, j'ai l'impression que c'est des films qu'il faut avoir vus quand c'est sorti, puis être dans cette époque-là. De redécouvrir pour la première fois certains de ces films-là aujourd'hui. J'ai hâte de voir ta réaction et ce que tu vas en penser. Je te dirais que c'est moins pire dans mon cas parce que moi, j'ai vécu cette époque-là. Que si, mettons, que c'était un flow de 17, 18 ans, quelque chose comme ça, qui est né à l'époque et qui ne s'en souvient pas, évidemment, ça serait pas la même expérience. Puis, tu sais, il n'y aura pas l'effet de nostalgie de l'époque ou c'est l'attrait pour certaines choses de l'époque ou juste. T'sais, des fois, c'est de voir des belles filles dans des films des années 90. Je vais les trouver super belles parce que c'était l'époque où j'étais plus en mode, quand t'as 20 ans, t'es plus en mode cruise et tout ça. Fait que, tu sais, il y avait quelque chose que j'aimais beaucoup dans l'époque, puis dans la mode aussi, même si maintenant on regarde ça, puis c'est super. Ça a juste plus d'allure, les chemises carottées et tout ça, puis tout le style. Mais c'est drôle, quoi, ça change. J'ai encore les cheveux longs, là, mais bon. Mais c'est drôle, ça revient à mode les années 90. Tu regardes certains artistes ou clips que ça donne une sonorité full années 90, puis même des chorégraphies de danse, puis t'es comme « Ah ouais, ça peut revenir à mode, ça! » Ouais, fait que je peux peut-être rêver d'un retour de Pauly Shore au cinéma un jour. Ouais, je penserais pas, mais peut-être. J'en parlerai de tout ça tantôt. Je voulais juste mentionner aussi, d'habitude des autres épisodes, j'ai une meilleure caméra que ça. Ce matin, ben, j'ai cette caméra-là que vous devrez faire avec. Je m'excuse, l'autre n'était pas disponible pour ce matin. Sinon, qu'est-ce que tu allais dire? Ouais, non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a mis mitraillette là. Tu tiens ça au journal? Non, c'est. que des blagues ce matin. La nouvelle saison de X-Files est commencée, hein, le tournage. Le tournage vient de commencer, oui. Ils ont mis une photo. Ouais, vas-y. Gillian Anderson a mis une photo des chaises des acteurs avec les noms Mulder et Scully en disant « Et c'est commencé ». Oui. C'est drôle, l'année prochaine, je vais avoir l'impression d'être en 90 parce qu'il va y avoir le retour de Full House, le retour de X-Files, le retour de Twin Peaks. Il y avait en fin de semaine un panel, je pense que c'était à Los Angeles, un panel d'un festival pour la télévision, je sais pas trop, je me souviens plus du nom, mais où il y avait une réunion des Gilmore Girls, puis moi j'étais un gros fan de la série Gilmore Girls, j'ai vu les 7 saisons complètes, et toute la plupart du cast était là, et la créatrice parlait d'une possibilité de peut-être un jour faire un film ou une nouvelle série pour Netflix, quelque chose, puis elle a dit c'est pas impossible, il n'y a juste pas eu d'offre encore ou quoi que ce soit, puis elle a dit faudrait que ce soit le bon budget, puis le bon moment, puis le bon format et tout, mais ça serait peut-être une possibilité. Donc, si un jour ça se faisait, c'est comme, il y a tellement de trucs qui reviennent l'année prochaine, là, puis, ou dans les prochaines années, que c'est fou. D'un côté, je suis un peu découragé parce que ce serait peut-être plus fun d'avoir des trucs originaux. Puis, en même temps, mais ça me rend heureux parce que j'ai été fan de ces trucs-là. Tu sais, Full House, c'est un peu le genre de truc que tu fais... Facepalm, là, tu fais « fuck, pourquoi est-ce qu'il ramène Full House? » En même temps, j'ai tellement trippé sur Full House, j'ai vu les 8 saisons, j'ai le coffret, je ne peux pas vous le montrer, mais j'ai le coffret en forme de maison, tu sais, de la série complète. Ouais. Tu sais, c'est ça. Fait que je suis content. Ça me fait penser aussi, ça arrive tout le temps, c'est par cycle, ces trucs-là. Dans les années 80 puis 90, tu as eu des réunions, mettons, des films ou des... nouvelle série réunion de Gilligan's Island, de Ginny, je pense, des Brady Bunch. Ils ont fait des trucs comme ça. Fait que c'est la même chose qui se passe. Là, à coup de 20 ans, on fait tout le temps des réunions. T'sais. Éventuellement, il va y avoir une réunion de Friends, peut-être dans 10 ans ou quelque chose comme ça, dans pas long. Là. Mm-hmm. Réunion de Seinfeld, même s'il y a déjà eu des petites affaires, des fois, des petites collaborations. Mais ouais. Réunion de Buffy. Ouais, j'aimerais ça aussi. Et après ça, ça va être toutes mes réunions de Lost, réunions de Scrubs, réunions de n'importe de toutes ces séries-là. Là. Ouais. Ah, tant de souvenirs. T'as-tu tout vu, les X-Files? Ah ouais, j'ai tous les coffrets okay. Saison 1 à 9, puis même que la saison 10 commence, ben, je vais me retaper le dernier épisode de la saison 9. C'est sûr que j'aimerais ça me retaper tout au complet juste pour me mettre dans le mood, mais en même temps, c'est comme on disait l'autre fois, c'est trop long. Fait que je vais juste me retaper le dernier épisode juste pour me remettre dedans. J'ai quand même un bon souvenir. Je me souviens comment ça se terminait. Mais, ça, je me rappelle que la finale, c'est ça, c'était Mulder subissait un procès, tout ça. Puis, est-ce que c'est complexe? J'ai des images dans la tête un peu de tout ouais. Ça. Ben, une grosse finale qui durait comme 1h30, je crois, l'épisode. Ouais. Puis ça finit vraiment... Ça finit vraiment sans fin, là. Ça finit comme vraiment sur un à suivre assez énorme. Puis j'étais comme, elle dit que je verrai pas la suite, que c'est fini là. Puis ça me faisait tellement chier à l'époque quand j'écoutais cette saison-là. Puis quand il avait parlé qu'il refaisait un nouveau film de X-Files, dans ma tête, j'étais comme, oui, ils vont faire la continuité, mais ils ont juste fait un espèce... Alors, ce film-là, là, en 2007-2008, c'était tellement de la merde, là. Ah, je suis vraiment sorti de la salle en tabarnak. Puis... Je comprenais pas, surtout que c'est le créateur qui est à la réalisation puis scénario. Puis je suis comme, ça fait des années qu'on n'a pas vu Mulder et Scully. C'est le temps pour tout faire un comeback puis retrouver un certain succès. Puis tu botches ça avec une histoire fade puis plate de même qui semble sortir d'un épisode qu'on a juste oublié d'une saison quelconque de la série. Puis, du coup, j'étais content. Je revoyais Mulder puis c'était le fun. Il y avait ses petites manies, ses crayons au plafond, ces choses-là. C'est comme, ah, j'étais content pareil au cinéma, mais. Mulder et Scully sont jamais ensemble. Tout le long du film, ils sont séparés. Il manque la magie. Ça fonctionnait juste pas. Puis j'étais comme, oh non, non. C'était vraiment juste pour le cash. Ah ouais, non, c'était vraiment un coup de marketing de cash. Là, puis c'était bien frustrant. Parce que là, ils ont vraiment l'air d'être plus dedans. Puis plus enjoués à le faire. Puis, ouais. On va voir. C'est, le projet pour lequel j'ai le plus d'espoir, c'est Twin Peaks. Là. J'ai vraiment envie de voir la suite. Là. Je vais finir par la commencer tout court, vu que j'ai jamais fait le mais le beau coffret m'a tenté. Sinon, pour rester dans les séries brièvement, je n'aurais peut-être parlé à la fin, mais je vais en parler tout de suite. La nouvelle saison de Penny Dreadful, là, je suis en retard de 2 épisodes, mais j'ai écouté les 3 ou 4 premiers épisodes, puis autant j'ai capoté sa première saison, autant celle-là, j'ai de la misère à embarquer. Puis... Je l'écoute avec ma blonde, puis tu sais, elle aussi a un peu de misère, mais je pense qu'elle a moins de misère que moi, elle est plus patiente. Moi, je suis comme. J'ai de la misère à retrouver le feeling que j'avais dans la première saison, puis ça me fait chier parce que j'ai tellement adoré la première saison, je l'ai tellement défendue, puis tout. Puis j'écoutais hier le podcast, comment ça s'appelle, Chaos Theory, qui sont des Français qui ont collaboré, avec qui on a déjà jasé, avec la gang d'Horreur Game Up, puis ouais. C'est ça, Chaos Theory, il parlait hier justement de Penny Dreadful, la première saison, puis il disait à quel point c'était génial, tout ça, puis ceux qui ont vu, qui ont commencé la deuxième, disent la même chose que moi, ça commence vraiment lentement. Mais je pense aussi que c'est une série qui s'écoute mieux en binge-watching, fait qu'il faut vraiment que tu ailles tous tes épisodes, que tu les écoutes toutes d'une traite, parce que c'est la première fois que j'écoute Penny Dreadful semaine après semaine, puis je trouve ça long. D'habitude, c'est un format qui ne me dérange pas, la télé traditionnelle, semaine après semaine, mais dans le cas de Penny Dreadful, je ne sais pas, je trouve que ça nuit à la série, il faut vraiment que tu les écoutes comme un film d'un bout à l'autre, et en tout cas, je vais voir un jour, peut-être, ben, tu sais, je vais continuer la saison, voir si ça s'améliore. Puis je la recommencerai du début à la fin, mais tout d'une traite, probablement. Pour lui donner une autre chance. Parce que la première saison, je l'ai vue trois, quatre fois au complet. Puis je l'adore, puis je ne m'écœure pas. Puis je fais confiance au créateur. C'est le même auteur, le même créateur, le même gars, évidemment, qui a créé la série, qui écrit la deuxième saison. Tous les épisodes, c'est lui qui les écrit. Fait que je veux dire, il y a un plan. Un plan général de où c'est qu'il veut que ça s'en aille, puis il y a un arc pour ses personnages, tout ça. J'y fais confiance. C'est un gars très talentueux qui a écrit les derniers James Bond, qui a écrit pour Sam Mendes, puis toutes sortes d'autres réalisateurs. Fait, je veux dire, John Logan, il sait ce qu'il fait, je suis pas mal certain. Fait que j'y fais confiance. Il y aurait une coupe au moment où tu dis ça, puis on le verrait dans sa chambre en train d'écrire. C'est comme, oh Chris, qu'est-ce que je fais là, pour aller faire ça? Puis... c'est ça, exactement. Non, ça pourrait pas être pire que Lost ou quelque chose comme ça. Non, non. J'ai abandonné assez vite Lost. Moi, j'ai tout écouté, mais à la fin, c'était vraiment, comme ils disent en anglais, un mess. C'était un peu un gâchis. Là. Foutage de gueule. Ouais. Sinon, j'ai commencé aussi une série qui passe, je crois que c'est à CBS. C'est The Whispers. C'est basé sur une nouvelle de Ray Bradbury que je n'ai pas lue. C'est une histoire, en gros, d'enfants qui entendent des voix. Puis les voix les poussent à commettre des gestes qui peuvent même mener soit à la mort ou à des blessures graves. Et il y a l'armée d'impliquer là-dedans et tout ça. Je trouve ça assez intriguant, assez intéressant. Ça reste que c'est une série mineure, un peu dans le style Under the Dome. C'est une série d'été, là, vraiment, de science-fiction qui n'atteindra pas des gros sommets. Mais je pense que c'est vraiment intéressant. Il y a des bons acteurs, des bonnes actrices. Il y a l'actrice principale de Cabin in the Woods, la rousse. Coup, je ne l'ai pas reconnue parce qu'elle joue une mère de famille là-dedans. Puis j'étais comme, OK, c'est. Mais tu sais, on est habitué dans les films d'horreur de voir des adultes jouer des adolescents. Mais en même temps, des fois, tu la vois dans un rôle d'adulte, puis là, tu fais, OK, j'ai de la misère à m'imaginer que c'est la même fille qui joue un ado. Là. Mais il y a elle, puis il y a Lily Rabe, qui était dans American Horror Story, qui jouait la sœur possédée dans la deuxième saison d'American Horror Story. Puis celle qui tripait sur Stevie Nicks dans la troisième saison. Mais c'est ça, tu sais, c'est ça, les acteurs sont bons, puis tous les enfants sont corrects. Il y a aussi, c'est quoi son nom? Milo Ventimiglia, là, qui était dans Heroes, puis dans Gilmore Girls, justement, puis dans Rocky Balboa, en tout cas, peu importe. Il y a plein de choses. C'est ça, il y a des bons acteurs, puis c'est un scénario intriguant, puis tout. J'ai vu les deux premiers épisodes. Pour l'instant, je suis encore intéressé, puis j'ai envie d'en savoir plus. Comme je dis, ça volera peut-être pas très haut, mais pour l'instant, je trouve ça très bon. Fait que je vais continuer ça. Puis, tu sais, comme j'ai comparé avec Under the Dome, je ne veux plus rien savoir après deux saisons, surtout la deuxième saison qui était merdique à fond. C'est clair que j'écouterai pas la troisième qui va commencer bientôt. Fait que je préfère écouter The Whispers. Pour l'instant, c'est beaucoup plus intéressant. OK. On devrait peut-être commencer dans nos films, puis je vais te laisser parler tout de suite parce que j'ai du chocolat à côté de moi, puis je veux manger mon chocolat. Fait que... Oh, Jeff, il a faim! Ouais. Bon. Moi, je vais commencer par un documentaire que j'ai écouté sur iTunes chez l'un de mes amis. On a doué The Nightmare. J'ai oublié le nom du gars. Oh, j'en ai entendu parler, ça. C'est par le réalisateur qui a fait l'autre documentaire, Room Chambre 247, si je ne me trompe pas. Sur The Shining. Sur The Shining, que j'ai pas vu, mais que j'ai entendu vraiment des très bonnes choses. Mais The Nightmare, c'est... je m'excuse, c'est... Il en parlait dans le podcast Killer POV, le dernier. Puis c'est les gars de... non, c'est ça. Je mêlais deux choses, excuse-moi. Mais il en parlait dans le podcast, puis il disait justement juste... Je veux juste voir si c'est bien ça. Les gens qui font genre de cauchemar ou qui sont paralysés dans le sommeil, là, qui ont comme quelque chose qui les retient au lit ou ouais. qui est par-dessus eux autres, c'est ça, ouais? Ouais, ouais, c'est bien ça. C'est ça, j'ai pas vu son autre documentaire qui était apparemment très, très, très bon. Mais celui-là, ça fait une couple de semaines là, que j'en entendais parler sur plusieurs sites. Il y a quand même des bonnes reviews. Puis j'ai vu qu'il était disponible sur iTunes depuis mardi, je crois. Fait que je me suis dit, tiens, on pourrait écouter ça. Ça a l'air vraiment intéressant. Et comme tu le dis, ça parle en fait de paralysie du sommeil. Puis c'est des gens en fait qui sont juste plus capables de bouger dans leur sommeil, puis qui sont dans un état semi-conscient puis semi-rêve. C'est vraiment un peu fucked up. Qui voient des créatures, hein, qui voient quelque chose. Ça, il hallucine, il y a des hallucinations. C'est vraiment comme si tu étais dans un rêve, mais que tu étais réveillé aussi en même temps, puis ça se mélangeait. Puis il y en a même qui ont des problèmes de respiration, qui ont de la misère à respirer, puis qui s'étouffent. Puis ils ont tout le temps un feeling d'insécurité puis de danger imminent. Ça a l'air vraiment quelque chose de très paniquant. Fait que le sujet est vraiment horrifique, puis je pense que c'est vraiment parfait pour ça. Puis en fait, le gars, il va interviewer 8 personnes différentes de différentes places. T'en as de Californie, t'en as du Canada, puis vraiment un peu partout. Puis c'est tout du monde qui font ça, de la paralysie du sommeil. Et par contre, ils ont toutes une connexion. T'sais. C'est toute la même affaire. C'est toutes des personnes qui ils sont paralysés dans le lit, puis ils vont juste tout raconter en détail. Puis, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que le réalisateur, je ne sais pas trop comment dire, sinon, le réalisateur s'intéresse vraiment à l'opinion des gens puis à leur expérience. Il ne va pas essayer d'inclure des scientifiques ou des gars d'université pour entrecouper ça, pour essayer de donner quelque chose de logique ou d'expliquer ça. C'est vraiment juste, on va juste écouter qu'est-ce qu'eux ils ont à dire, puis c'est à nous. Il n'émet pas de critique non plus. Est-ce qu'il dit c'est bien con ton histoire, puis ça n'a pas rapport? Non, aucunement. Lui, il est là dans la pièce, il écoute, puis il a juste l'air complètement absorbé par qu'est-ce qu'il dit. Il rit jamais d'eux, puis il prend vraiment ça au sérieux. En même temps, je ne sais pas si c'est le genre de documentaire qu'il faut se dire c'est vrai, c'est pas vrai, parce que par moment, la manière que les 8 personnes racontent leur histoire, il y en a, tu sais, que tu vois, c'est une personne bien normale, puis il est poche pour raconter son histoire, tandis que t'en as un qui est vraiment bon, tu sais, t'es comme crime, on dirait un acteur, puis tu sais, je me demande si c'est scripté ou si c'est vraiment juste comme... Ça me laissait perplexe, et ça, un peu le défaut, je trouve, du film. C'est à chaque moment, c'est comme, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être dans un vrai documentaire, j'ai plus l'impression que c'est un faux documentaire, puis ça se mélange entre les deux, mais en même temps, t'as des faits qui sont là, t'as une fille là-dedans qui est intrus, qu'elle avait fait une vidéo sur YouTube qui parlait de ses terreurs nocturnes, puis sa paralysie, puis tu peux aller sur YouTube, son vidéo est là, puis elle est là depuis longtemps, puis c'est une vidéo qu'elle a mis il y a comme 3 ans ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, je suis un peu confus là-dessus, mais sinon, je trouve que c'est vraiment un documentaire qui est intéressant parce que le réalisateur, la manière qu'il fait, il fait comme un film d'horreur. Tu sais, on a les moments où il va discuter avec eux, puis qu'ils vont raconter leur histoire, puis t'es absorbé parce qu'il met un soundtrack très horrifique. Le soundtrack est super bon. Puis c'est entrecoupé d'images que tourner, il fait juste recréer, dans le fond, les scènes de qu'est-ce qui arrive à ces personnes-là. Ça donne lieu à des scènes qui sort tout droit d'un film d'horreur. Ça, par moments, ça fonctionne. T'écoutes ça tout seul dans le noir. Ça laisse son efficacité. Puis ce qui est encore plus fréquent, c'est qu'il y en a parmi ces personnes-là qui sont reliées, qui ont vu la même chose. Il y a 3 personnes dans les 8 ou 4 qui ont vu un homme avec un chapeau. C'est un homme. C'est juste un homme avec un chapeau qui rentre dans la pièce. Puis il y a 2 hommes qui sont avec lui. Puis il a juste l'air d'être comme le boss de ces ombres-là, puis qui viennent la nuit juste les observer. Ils viennent devant le lit, puis ils s'amusent juste à les observer. Puis c'est vraiment fréquent. Puis tu vois les personnes qui sont juste couchées sur le lit, les yeux grands ouverts avec les larmes, puis ils paniquent, ils peuvent rien faire, puis ils essaient de bouger, de se réveiller. Puis c'est ça qui explique, il dit des fois... J'essayais tellement fort de me réveiller pour avertir ma blonde ou qu'elle puisse me réveiller pour que je sorte de ce cauchemar-là, mais... c'était entrecoupé de quelques secondes où que je voyais la réalité, que je sortais de mon format rêve, puis que je voyais ma copine qui est d'un côté, mais j'étais même pas capable de bouger. Puis, je sais pas, c'est tellement bien détaillé, les personnes expliquent tellement bien leur expérience que moi, j'ai vraiment embarqué. J'ai trouvé que c'était un documentaire vraiment immergent, puis que c'est peut-être un peu trop répétitif par moment. Il y en a qui racontent les histoires toutes de la même manière. Durant la nuit, je suis plus capable de bouger. Là, c'est à cause de fibres cérébrales. Puis ça devient vraiment redondant sur une heure et demie parce qu'il y a trop d'éléments qui se répètent au lieu qu'il aurait peut-être pu en couper au montage ou éviter de faire la même affaire. Mais en même temps, c'est juste pour nous montrer que c'est 8 personnes différentes, mais qui vivent vraiment les mêmes choses pratiquement. Puis il y en a, comme je dis, qui voient un homme avec un chapeau, d'autres qui voient des genres d'extraterrestres. Il y en a un autre qui voit une espèce de boule gluante qui ressemble à de blob. Puis à un moment donné, ils font beaucoup de liens avec des films. Puis il y en a un qui expliquait qu'il avait vu Insidious. Puis il expliquait que dans le film, il y avait des éléments qui reflétaient vraiment ce qu'il vivait, lui. Puis en tout cas, il y avait vraiment plein de trucs super intéressants dans le documentaire. Je crois pas que ça soit parfait. Comme je dis, il y a des petits défauts, mais c'est vraiment un sujet intéressant. Puis j'ai juste vraiment embarqué. C'est vraiment une bonne ride. Puis ça donne lieu à des moments vraiment terrifiants. Puis c'était drôle parce qu'ensuite, moi puis mon chum, on allait se coucher. Puis c'était comme, on se parlera demain si durant la nuit, on a vu des ombres ou un homme à chapeau qui est venu nous visiter dans la chambre. Mais là, ça m'a donné envie de voir son autre documentaire qui est sur Netflix. Fait que je vais aller voir ça pour le fun. Mais je le conseille. Ça fait-tu penser, c'est sûrement moins cheap que les documentaires, mettons que tu regardes à Canal D avec des reconstitutions puis des mauvais acteurs. Y a-tu ça, ces scènes-là, des reconstitutions de qu'est-ce qu'ils voient puis tout ça? Honnêtement, je pensais à Antise par moment. Ouais, ben c'est ça, c'est un peu à cette série-là que je pense. Là. Je pensais à Antise, mais je te dirais que c'est plus professionnel que le réalisateur. Un flair visuel, t'as vraiment des scènes de rêve avec un fond tout rouge, puis comme je dis, quand la première apparition de l'homme à chapeau, tout ça, à un moment donné, je pensais même plus que j'étais dans un documentaire, j'avais l'impression d'écouter un film d'horreur, puis j'étais comme, hey, ça serait bon s'il ferait un film d'horreur avec ça, puis avec tous ces petits éléments-là, fait que, oui, tu penses à Antise, mais c'est beaucoup moins, c'est moins cheap, pareil, il y a plus de professionnalistes là-dedans, le gars est quand même plus compétent, là, puis... Comme je te dis, les acteurs, c'est parce qu'il n'y a pas d'acteurs. Si je me trompe pas, durant les scènes de récréation, c'est les mêmes personnes qui refont leurs rêves. Fait qu'ils prennent pas des acteurs pour jouer leur histoire qu'ils décrivent. C'est eux qui vont refaire les scènes. OK. Mais, puis, ouais, vas-y. Mais comme je te dis, c'est ça. Moi, je reste perplexe. Comme je te dis, par moments, ça a l'air scripté. Surtout, il y en a un. Là, je te dis, mais tu le vois, tu vas comme faire, il est vraiment good. On dirait qu'il sort vraiment d'un film. Puis j'avais l'impression que c'était scripté, mais peut-être qu'en même temps, tu sais, c'est un gars qui travaille dans le domaine puis que ça donne qu'il y a... Il y a ces expériences-là de terreur nocturne puis de paralysie, mais que c'était un acteur ou je sais pas, peu importe, là, mais je veux dire... Ouais, ben ça se peut que le témoignage vienne d'une vraie personne, mais que le gars à l'écran, ce soit un acteur, tu sais, je veux dire, c'est vraiment dur à dire. Tu regardes des infopubs le matin, des infopubs de Blender, puis tu vois un médecin parler, mais c'est jamais vraiment un médecin. Là, c'est juste un gars qui a mis un stéthoscope, puis c'est marqué son nom, puis MD, puis ça, je trouve aucune preuve que c'est un vrai médecin, tu sais. Non, je sais pas. T'sais. Mais j'aurais envie de dire à tous ceux qui nous regardent, qui regardent cette vidéo-là, de nous dire si ça vous est déjà arrivé. Je serais vraiment curieux de savoir c'est quoi votre expérience par rapport à ça, si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai pas connu ça, mais je serais très curieux de savoir quelqu'un qui nous écoute. Petite expérience, j'ai déjà Chantal, surtout auparavant, elle faisait plus de terreur nocturne. Pas de paralysie, mais dans les débuts que je sortais avec elle, par moment, elle se réveillait en panique ou en peur la nuit, puis c'est même arrivé une fois qu'elle s'est réveillée quand même assez violemment, puis qu'elle était juste plus capable de respirer. Tu sais, ça faisait vraiment comme... puis c'est comme elle tombait d'un vape pendant peut-être 2-3 minutes des fois, puis moi, la première fois que c'est arrivé, j'ai tellement trouvé ça freakant, il n'y a pas... Je comprenais pas ce qui se passait, puis elle m'en avait pas vraiment parlé que ça arrivait comme ça. Mais c'est vraiment une expérience fréquente, honnêtement. Et surtout quand tu es avec quelqu'un qui vit. S'il aurait fallu en plus qu'elle ait des problèmes de paralysie nocturne, puis Ah, ça, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé effrayant. C'est vraiment digne d'un film d'horreur, mais qui fait partie de la réalité puis d'une vie quotidienne. Tu sais, y en a qui en parlent là-dedans. Y en a un qui a commencé depuis qu'il est jeune dans le berceau, puis il se rappelait vraiment de la première fois qu'il a rencontré ces espèces d'êtres-là quand il était dans son berceau bébé. J'étais comme, ah ouais, il se rappelle même de quand il était bébé, cette expérience-là. Je trouvais ça assez spécial. Ben, non seulement il s'en rappelle, mais si c'est vrai, si c'est vrai, son histoire, c'est ça prouve que c'est pas une influence des films ou de quoi que ce soit, parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas encore vu, tu sais. Non, exactement. Puis ils ont ça encore aujourd'hui, toute leur vie. Ça reste là, puis ils vivent dans la peur que ça arrive juste nowhere durant la nuit. T'sais, ils n'ont pas peur d'aller... Ils n'ont pas peur de dormir, de se coucher. Ils ont juste peur comme de s'étouffer. Ils ont juste vraiment peur d'avoir encore ce feeling-là. C'est vraiment difficile à décrire parce que c'est vraiment quelque chose de spécial la manière qu'ils en parlent, mais c'est vraiment juste fréquent. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment déstabilisant comme expérience. Puis ça me donnait envie d'en connaître plus sur le sujet. J'ai envie de voir d'autres documentaires ou d'autres sujets qui en parlent. C'est pas quelque chose que je connaissais vraiment bien, puis ça m'a juste donné envie d'aller fouiller un peu plus là-dessus. Ouais, ben c'est ça, non? C'est super intéressant. Puis tu sais, moi mes peurs que je me fais le soir avant de me coucher ou durant la nuit, quand je me réveille, c'est vraiment basé sur les films. Fait que tu sais, j'ai pas connu ce genre. C'est pas une angoisse, c'est vraiment né d'images. Je me rappelle que quand j'étais jeune, j'ai peut-être imaginé à un moment donné qu'il y avait quelqu'un debout dans le fond de ma chambre, dans un coin sombre. Ouais, mais je pense que je venais juste d'écouter Ghostbusters 2, puis c'est le vieux monsieur qui me faisait peur, avec son chapeau puis tout. Fait que, c'est drôle aussi. Poltergeist 2, je m'excuse. Pas Ghostbusters. Poltergeist. Moi aussi, à chaque fois que j'allais me coucher le soir puis que j'ai eu des peurs durant la nuit où je m'imaginais des choses, c'était à cause que j'avais vu un film d'horreur puis qu'il y avait une scène en particulier qui m'avait marqué. T'sais, j'avais été voir Paranormal Activity le premier au cinéma. Oui. Moi, le film m'avait vraiment freaké. Je l'avais trouvé vraiment bon. Ben, surtout ça, moi, c'est surtout les scènes où que la fille est debout à côté du lit puis qu'elle regarde son chum dormir la nuit. Quand tu es en couple, tu vas voir ce film-là, puis tu reviens chez vous, puis tu t'imagines ce genre de truc-là. Tu t'imagines te réveiller à 2h ou 3h du matin, puis ta blonde est en train de te fixer, elle est debout à côté du lit, puis elle te fixe. Là. C'est pas rassurant. Non, vraiment pas. Puis il y a un détail que je n'ai pas mentionné, mais il y en a un qui, justement, il va vivre ça, puis il va être semi-réveillé, puis il va voir comme une espèce d'ombre noire, comme j'expliquais, mais ça va être plus être une créature. Il y a des yeux rouges, des grosses dents, puis il commence à y dire des choses un peu incompréhensibles. Il n'arrête pas de dire que lui, il ne connaît pas, mais que lui, il connaît, puis qu'il va venir le chercher, puis des trucs de même. Puis finalement, il finit par se réveiller en sursaut, puis sa blonde aussi se réveille en sursaut. Puis elle a rêvé qu'il y avait un chat noir avec des yeux rouges sur lui, qui lui a dit, puis elle disait qu'il lui avait dit les mêmes choses que qu'est-ce que le monstre, lui, lui avait dit dans son rêve à lui. Fait que tu voyais qu'il y avait comme des détails qui se rassemblaient alors que les deux vivaient chacun un rêve différent, puis sa blonde, elle n'a pas de terreur nocturne, elle n'a pas de problème comme lui. Fait qu'encore là, c'est comme des détails que t'es comme, OK, ouais, c'est what the fuck. Encore là, c'est comme, tu peux y croire, tu y crois pas. À la fin du documentaire, je pense pas que tu vas en sortir puis être 100% convaincu, mais je crois que ça laisse à réfléchir, puis c'est ça le plus intéressant du documentaire, là. Vraiment intéressant. Fait que c'est sur iTunes, hein? Ouais, 5,99. Okay. Fait que ça, moi, je dis que ça vaut la peine. C'est un sujet vraiment intéressant. Puis c'est plus efficace que certains films d'horreur qui tentent de vous faire peur. Ben, parlant de documentaires et de films d'horreur qui veulent vous faire peur, j'ai regardé sur Netflix un nouveau documentaire qui est sorti qui s'appelle Hot Girls Wanted. C'est produit par l'actrice Rashida Jones, puis ça raconte, en fait, ça suit trois ou quatre jeunes filles de 18, 19, 20 ans qui se lancent dans le monde de la porno amateur. Et on parle vraiment dans le documentaire de la porno amateur à Miami et non pas de la porno professionnelle. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes pour les actrices amateurs qui viennent juste d'avoir 18 ans, mettons. Puis... c'est ça, que c'est leur première fois dans le métier et tout ça. Fait qu'on suit trois ou quatre filles qui partent de leur petite ville ou qui ont, en tout cas, qui ont des backgrounds relativement semblables, puis qui se font aspirer dans ce milieu-là. Au début, sont vraiment super intéressés. Sont attirés par l'argent, les promesses de gloire et tout ça. Ils se disent tout le temps, je vais être big, je vais être super connu et tout ça. Puis, évidemment, ça ne vire pas comme ils pensent. Fait que, tu sais, c'est pas un film très long, c'est 1h20, mais moi, ça m'a énormément touché. Surtout quand tu connais des jeunes qui sont à l'approche de l'adolescence, tout ça. J'ai des amis qui ont des enfants. Puis je pensais en particulier à quelqu'un, mais j'ai des amis, des enfants qui ont 12, 13, 14 ans. Puis là, tu te dis, ça pourrait virer comme ça éventuellement. On ne sait pas, tu sais, qu'est-ce qui pourrait amener les jeunes à vouloir se lancer là-dedans, tu sais. Mais c'est ça, c'est tout à l'attrait de l'argent, fait que ça peut arriver à tout le monde d'être attiré par ce milieu-là. Ouais. Puis à la fin, vers la fin, j'avais quasiment les larmes aux yeux. Il y a des scènes que c'est déchirant. Là, c'est troublant, ça fait peur. Comme je dis, c'est quasiment un film d'horreur. Là, ça... Puis pourtant, on sait tout ce qui se passe dans le monde de la porno. Si moindrement, tu portes pas des ornières puis t'es allumé un peu sur ce qui se passe dans le monde, tu sais ce qui se passe. Mais de le voir comme ça dans le documentaire, tu sais. Encore là, ma blonde, elle disait, tu sais, on l'a regardé ensemble, puis elle disait qu'elle trouvait ça super intéressant, mais c'était juste le point de vue des filles, alors qu'on n'avait pas le point de vue des gars qui sont dans l'industrie, puis comment est-ce qu'eux, ils vivent ça, puis. Ça, j'avoue que j'aurais aimé ça, le connaître plus. Mais le film focus vraiment sur 3 ou 4 filles principales, des jeunes filles qui sortent de chez eux, qui les parents sont pas au courant, tout ça. Puis on en suit une en particulier, tu sais, qui s'est fait un chum dans sa petite ville, puis son chum n'aime pas ça, mais il tolère, mais il arrête pas de dire « tu devrais peut-être arrêter, je préférerais que tu arrêtes, mais je t'aime pareil, je t'empêcherai jamais de le faire, mais j'aimerais ça que tu arrêtes. » Puis elle ne l'a pas encore dit à son père. Sa mère, elle l'a deviné, mais elle ne l'a pas encore dit à son père. T'sais. Puis c'est tout son conflit intérieur. Là, comment conjuguer sa vie de fille de petite ville et de qui vit sur une ferme avec ses parents, parce qu'il vient d'une ferme avec ses parents, puis qui adore sa vie à Miami avec les autres porn stars, tout ça. Fait que, non, c'est super intéressant. Vraiment, c'est très... moi, je le recommande à tout le monde, surtout à ceux qui ont des enfants, puis qui... les enfants vont approchent l'adolescence puis approchent ce genre d'âge critique ou qui peuvent être influencés par des mauvaises influences. Et non, c'est ça. C'est juste vraiment un très, très, très bon petit film là, qui je pense que ça vaut la peine d'être vu au moins une fois. Là, c'est pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce milieu-là. J'ai failli l'écouter cette semaine, c'est drôle. Tu l'as écouté sur Netflix, c'est ça? Oui. Ouais, ça, j'avais vu le sujet puis je trouvais ça intéressant, j'avais failli l'écouter, parce que je dois t'avouer que dans le monde du documentaire, j'en ai manqué beaucoup, beaucoup, contrairement à Chantal, qui est une grande fan des documentaires. Fait que là, on dirait que je m'y intéresse un peu plus, puis c'est ça, cela avait porté mon attention, je l'ai mis dans ma liste d'attente, fait que je devrais probablement l'écouter également. Je trouvais que ça avait l'air intéressant, puis tu m'as donné envie encore plus, là, fait que... Puis il y en a un autre, Caroline l'avait mentionné quand on a fait l'épisode sur Boogie Nights. On ne l'a pas écouté encore celui-là, mais ça s'appelle After Porn Ends. Ça raconte la vie de pornstar après après qu'ils soient sortis de la business. Fait que, ça a l'air aussi intéressant. Ça date de 2010, je pense, ou 2011. Fait que, c'est sur Netflix aussi. Mais c'est ça, Hot Girls Wanted, très recommandé. Perfect. Ouais. Moi, j'ai écouté un petit film, Right at the... At Your Door. Ouais, Right at Your Door, qui est un film catastrophe, en fait. Très petit budget. Puis ça raconte l'histoire du couple Brad et Lexi, qui se réveillent un matin à Los Angeles, puis qui commencent la petite journée de manière très régulière et routinière. Lexi va s'en aller dans le fond à son travail dans le centre-ville de Los Angeles pendant que son chum est en vacances. Ouais, il est en vacances en congé, puis il en profite à la maison. Quelques heures plus tard, il va se rendre compte à la radio qu'il y a eu des bombes qui ont été déclenchées, qui ont explosé un peu partout à travers Los Angeles. On ne sait pas trop d'origine quoi, on sait juste que ça a juste explosé puis que le centre-ville est fermé. Fait que le Brad va va tenter évidemment d'essayer d'aller retrouver son amoureuse dans le centre-ville, mais toutes les rues vont être barrées. Et un peu plus tard, on va apprendre que finalement, ces bombes-là contenaient un produit toxique très, très, très, très dangereux et nocif. Fait qu'il conseille à toutes les gens de rester enfermés dans leur maison puis de se barricader parce que il va y avoir une certaine cendre qui va s'élargir puis qui va toucher de plus en plus de kilomètres, puis cette cendre-là qui va tomber comme de la neige, bien, est vraiment super dangereuse puis nocif. Fait que le gars va juste se barricader dans sa maison à double tour avec du tape sur les fenêtres puis tout le kit, puis il va essayer de rejoindre sa copine puis d'attendre de savoir si elle est en vie ou pas. Le film mise un peu là-dessus. Et en fait, il va y avoir une autre personne qui va se joindre à lui dans son huis clos de maison. Ça va être un voisin qu'il connaît plus ou moins d'un peu plus loin, qui va rentrer un peu par effraction, par panique, puis qui va lui demander s'il peut rester là, qu'il n'y a pas d'autre place où aller, puis que il est vraiment paniqué, qu'il ne sait pas où est sa femme. Fait que finalement, Brad va le laisser rester avec lui, puis les deux vont rester là dans la maison. Premier point négatif, ce personnage-là sort fuck all en rien, l'espèce de voisin. Je m'attendais à ce qu'il y ait des dialogues, de quoi d'intéressant, interaction. Rien, ce personnage-là, il est dans son coin silencieux. Il est juste là pour aider à barricader la maison, tandis qu'on fait juste suivre Brad qui essaie de rejoindre sa femme par téléphone. Tout se déroule par le téléphone durant la première demi-heure. La mère de sa blonde va la téléphoner. Elle veut savoir si elle est avec lui, si elle est correcte. Tout va se passer du côté de Brad alors que le voisin ne va rien servir. Ensuite, il va arriver... Je ne sais même pas si je peux le mentionner. C'est pas vraiment un twist, en tout cas. Je ne vais pas le mentionner, mais le film va vraiment juste miser là-dessus sur l'effet huis clos puis l'effet de panique du gars d'ouvrir à personne, que ce soit les gars de scientifiques, les médecins qui viennent pour essayer de donner des médicaments aux gens. Mais tout est flou. On ne sait pas trop qu'est-ce qui arrive comme le personnage. On ne sait pas trop les intentions de la police ou qu'est-ce qui va arriver. J'ai trouvé que c'était un film... correct. La tension est bonne pendant 1h30. Le budget, comme je dis, est limité, mais c'est quand même surprenant. T'as des scènes au loin où tu vois Los Angeles avec l'espèce de grosse fumée d'explosion puis les cendres qui tombent. Les effets sont très réussis pour un film à petit budget, quoique le reste du film va se dérouler vraiment qu'à l'intérieur de la maison. Les acteurs sont bons. Le gars qui fait Brad, je l'ai vraiment trouvé bon également. C'est un bon petit film de soirée. C'est pas quelque chose de grandiose. Ça m'a pas marqué. Je pense que j'ai vu d'autres films dans le domaine qui sont plus réussis. Ça divertit le temps que ça dure. J'ai trouvé la fin quand même surprenante aussi. Je l'ai pas vu venir. Ça a une bonne finale. Mais je peux pas dire grand-chose sans spoiler à part de ça sur le film. Fait que je vais pas plus en dire, en fait, mais... j'ai juste trouvé que c'est un film catastrophe déjà vu, mais qui fait la job durant une soirée de pluie ou si vous avez rien de mieux à écouter à la télévision. Là, c'est quand même correct, mais dans le domaine, je pense que je préfère... j'ai même préféré Testament, qui est différent, mais qui touche un peu ça, des explosions puis des effets nocifs qu'il va avoir sur les gens. J'ai trouvé ça quand même plus intéressant que Right Out Your Door. Là. OK. OK. Tu avais terminé là-dessus? Ouais, c'est parce que si je commence, je peux vraiment rien dire. Il arrive une couple de spoilers en peu de temps, puis je peux juste pas le mentionner. Si jamais vous voulez voir le film, c'est plus intéressant, je pense, de pas le savoir. OK. Mais moi, j'ai vu un film que j'attendais, mais qui était passé inaperçu. Personne ne sait vraiment que ça existe. Je sais pas si vous allez voir comme du monde. Probablement pas. J'étais un essai. Non, non, m'approche, non. Ah, attends, oui. Peut-être. The Last Five Years. Okay. Avec Anna Kendrick et Jeremy Jordan, que je ne connais pas. Et donc, c'est un film musical. Moi, j'ai vu l'année passée, sur scène, dans ma petite ville ici, deux acteurs, parce que c'est une pièce à deux acteurs seulement, j'ai vu deux acteurs le jouer, la version musicale, ça c'est la comédie musicale, dans le fond, sur scène. Et la particularité de cette histoire-là, c'est l'histoire d'un couple. C'est donc les cinq dernières années, les cinq années de leur couple. C'est du début jusqu'à la fin de leur relation, parce que c'est pas un spoiler qu'à la fin de l'histoire, ils sont plus ensemble. C'est pas un spoiler parce que ça commence par la fin. Un peu à la manière de Irréversible, film de Gaspard Noé. Mais le twist là-dedans, c'est que les deux acteurs, les deux personnages, Jamie puis Cathy, chante à tour de rôle les chansons qui racontent leur histoire. Lui, son histoire, elle va dans l'ordre chronologique, tandis qu'elle, son histoire va dans l'ordre, pas chronologique, dans l'ordre décroissant. Et donc, c'est ça, à un moment donné, les deux histoires vont finir par se rejoindre au milieu quand il y a le mariage, puis ça repart comme ça. Fait qu'on finit le film où elle a commencé le début de l'histoire, puis lui, il est rendu à la fin. Fait que, tu sais, ça fait un peu déconnecté, mais en même temps, tu vois la relation se faire et se défaire en même temps. Puis c'est vraiment intéressant comme principe. J'avais vu ça sur scène l'année passée. J'avais vraiment trippé sur les chansons, sur la manière que c'était raconté, tout ça. Puis je me demandais comment ça allait se traduire en film. Puis je trouve que, tu sais, premièrement, les deux acteurs principaux sont très bons dans le film. Anna Kendrick, on sait qu'elle sait chanter à cause des Pitch Perfect. Elle a joué aussi dans le film Into the Woods l'année passée. C'est une bonne chanteuse, c'est une très bonne actrice. Puis Jeremy Jordan, je ne le connaissais pas. Il est très bon chanteur aussi, puis il est bon acteur. Puis je trouve qu'il y a une belle chimie entre les deux, fait que j'arrive à y croire que c'est un couple. Puis je trouve que le film garde la structure de l'histoire racontée comme ça, de manière exactement comme dans la pièce. Puis je trouve que ça marche. Puis en plus, ce que j'aime, c'est qu'ils ne nous prennent pas pour des cons, ils ne prennent pas le spectateur pour des cons, ils ne t'expliquent pas ça au début du film. Fait que si toi, tu loues le film ou tu t'achètes le film, tu le mets pour la première fois et tu ne sais pas, tu vas être un peu perdu. Mais ça, j'aime ça parce qu'ils ne te prennent pas pour un con, puis ils ne marquent pas les années dans le bas de l'écran, ils ne te disent pas ça c'est la première année, ça c'est la cinquième ou peu importe. Fait que à toi de comprendre que ça ne se passe pas en même temps, les scènes, tu sais. Mais c'est ça, ça peut devenir mêlant un peu, mais en même temps, c'est un jeu que le spectateur a d'essayer de comprendre à quelle place à peu près dans leur relation se situe la scène que tu es en train de regarder, tu sais. Est-ce que c'est plus au début ou à la fin? Et je trouve que c'est un film qui fait appel aux amateurs de comédie musicale, qui fait plaisir aux amateurs de comédie musicale parce qu'il y a des scènes, quelques scènes où il y a des chorégraphies. Je trouve ça intéressant. Puis visuellement, c'est un film qui est réussi parce que la pièce était très statique. Moi, ce que j'ai vu sur scène, c'est les deux acteurs étaient de chaque côté de la scène, puis ils faisaient leur petite affaire à tour de rôle, leur chanson. Mais le film réussit à garder ça très vivant visuellement. Il y a une bonne réalisation quand même pour ce type de film-là. C'est le réalisateur du film P.S. I Love You que j'ai pas vu avec Gerard Butler. Puis je trouve que sa caméra est très mobile, il se promène beaucoup autour des personnages. Puis c'est ça, il réussit à faire visuellement des trucs assez intéressants pour qu'on soit tout le temps intéressé, puis qu'on soit... Sur une scène, ça marche que tu aies deux acteurs qui te chantent des chansons et qui te racontent l'histoire en faisant pas grand-chose, tu sais. Mais dans un film, il faut que ce soit visuel. Mais je trouve que ça marche dans ce film-là. Puis c'est un beau film, des belles couleurs, puis tout. Puis c'est ça, deux acteurs séduisants et c'est ça, des bonnes chansons. Fait que moi, j'ai vraiment passé un bon moment avec ce film-là, puis je le recommande à n'importe qui aime des films romantiques, un peu originaux, parce que, tu sais, ça, l'histoire est pas racontée de manière chronologique. Fait que ça te fait travailler un peu le cerveau, puis ben c'est ça. C'est un film musical, faut que tu t'attendes à ce que ça soit chanté du début jusqu'à la fin. Mais je trouve que les chansons sont le fun, puis c'est ça. Moi, je le recommande. Le concept est vraiment, vraiment bon. Le film m'intéresse surtout dès que tu as mentionné ce concept-là. Puis j'aime ça quand un film tente une structure différente au point de déstabiliser le spectateur, puis juste. De toute manière, ça faisait déjà partie de la pièce, la manière dont tu en parlais. Mais non, j'aime vraiment l'idée. Puis je pense que si tu n'en aurais pas parlé, c'est un film que j'aurais peut-être juste pas porté en tension. Mais là, maintenant que tu en parles, j'ai comme envie de l'essayer. Personne n'a entendu parler. Je me rappelle quand c'est sorti en salle, mais c'était une sortie limitée. Fait que personne l'a vu, ce film-là. Puis après ça, ça a été retiré des salles tout de suite. Puis là, ça s'est ramassé sur DVD, Blu-ray, tout ça. Puis j'imagine que dans les clubs vidéo, c'est genre dans le fond, là, dans le bas complètement des tablettes. Je sais pas, j'essaie de répandre la parole là, parce que personne qui va le voir, je pense. C'est quelle année, ça? C'est cette année. Cette année? Ça a été sorti, c'est-tu à la fin 2014? Fin 2014, début 2015 que c'est sorti. Okay, je n'ai vraiment pas entendu parler, c'est fou. Ben, tu sais, son nombre de films qui sortent maintenant, il y en a bien qui passent dans le port, puis c'est dommage. Puis on a parlé dans l'autre épisode de One I Love. Oui. pour moi, c'est un film qui est passé dans le beurre, même s'il y a des critiques qui l'ont mis dans leur top 10, là, j'ai l'impression que ça n'a pas eu le succès que ça devait avoir. Puis c'est plate que ça arrive à un petit film de même. Que... Mais des fois, avec les années, ça peut réparer ça. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. Manny trouve son public dans le format, format vidéo, le format mm-hmm. DVD. Ouais. Le prochain, j'ai écouté sur YouTube Kung Fury. C'est ça, c'est drôle, on pense pareil, j'allais justement te proposer qu'on en parle. Ouais, ben, tu sais, j'étais comme, ah, on en parle-tu pour ça, on en parle pas, en même temps, ça a tellement été populaire, tout le monde a vu le Kickstarter avec le trailer, puis tout le monde était prêt à investir, puis ils ont dépassé leur budget. Je pense que le budget qu'ils voulaient au départ pour ce film-là, c'était... c'était combien? Je pense que c'était pas tant que ça. Ils voulaient pas grand-chose, puis ils se sont ramassés avec comme 650 000 $ de budget, ce qui était encore plus que prévu. Mais moi, je t'avais pas entendu parler, honnêtement. Je connaissais pas le projet. J'ai vu ça. J'ai vu ça apparaître sur YouTube là, 2 semaines, puis j'ai fait « OK, je vais regarder. » Mais... Ben, ça m'étonne. Sylvain Desmentis non plus, il connaissait rien de ça. Puisque, pourtant, le trailer, il a tellement passé en boucle. Tout le monde n'arrêtait pas de le partager parce que c'était juste fou. Puis, on se demandait... Quand tu voyais le trailer, tu te demandais comment il arriverait à faire un film avec ça, à relier tout ça, parce que tu avais tellement de trucs, des dinosaures, des dieux, des nazis, des gars de Nintendo années 80. Je veux dire, c'est juste un gros bordel, un gros mixage de tout ce qu'il y avait dans les années 80, que ce soit le style vestimentaire, le visuel, la musique. Puis le gars, en tout cas, l'équipe, le réalisateur, il a juste comme mixé tout ça avec des éléments « what the fuck », comme je dis, des dinosaures. T'as Hitler là-dedans qui s'appelle « Kung Fu Führer ». Ce qui est étonnant, c'est que ça marche. Tu sais, oui, ça dure 30 minutes, puis je pense que c'est ça qui fait en sorte que le film fonctionne, parce que je crois qu'une heure et demie, ça serait trop lourd à un moment donné. Ouais. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a pas d'intérêt principal. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est vraiment juste comme du fun, puis du gros n'importe quoi pendant une demi-heure, puis c'est pour ça que la pilule passe bien. Sur une heure et demie, je pense qu'on finirait par trouver ça long, parce que il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'attachement de personnage, il n'y a vraiment rien là-dedans. C'est vraiment ils n'ont pas de profondeur, les personnages. T'sais. Non, c'est ça, il n'y a rien. C'est juste vraiment... c'est comme quelque chose d'imprévisible pendant une demi-heure. Tu ne sais jamais à chaque minute qu'est-ce qui va te sortir ou qu'est-ce qui va se passer. Puis quand je dis « tu ne sais vraiment pas », c'est vraiment pas. Là. Autant une minute, tu vas avoir une machine de jeux vidéo qui va commencer à attaquer le monde parce qu'il s'est fait donner un coup de pied. Autant tu vas avoir quelqu'un qui va tirer un coup de revolver... sur son téléphone, puis les balles vont ressortir par l'autre téléphone dans un poste de police. Puis... Ou t'as le dieu Thor, t'as une fille qui chevauche un loup géant. T'as... Avec une cracheuse, style ouais. Terminator 2. Là. C'est comme... Je comprends que ce que tu disais dernièrement, Jeff, tu disais que tu étais un peu saturé des films qui tentaient d'être trop années 80 avec la musique puis le style. Puis j'étais comme étonné que tu avais apprécié celui-là, parce que veux, veux pas, c'est un peu ça, mais... Ben, c'est ça, je suis pogné en deux chaises aussi, j'haïs pas ça, je trouve ça drôle, tu sais, sur le coup, je me suis laissé prendre, mais en même temps, c'est tout le mouvement de nostalgie qui finit par me taper sur les nerfs un peu, c'est comme on dirait que les gens sont juste nostalgiques, puis ils veulent juste ça tout le temps, puis comme là, on va avoir ça encore en fin de semaine avec Jurassic World, c'est qu'on regarde tout le temps en arrière, tu sais, c'est comme... Mais en tout cas... Il y a d'autres choses que la nostalgie. Il faut arrêter de vouloir tout en revivre ces années de jeunesse, là, puis des expériences. Tu sais, wow, on met un power glove dans le film, puis c'est supposé être cool parce que les gens qui étaient là dans les années 80 vont comprendre la référence, mais je sais pas, tu sais. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, il y en a bien qui connaissent rien de ces références-là, puis qui ont écouté Kung Fu et puis ont vraiment juste eu beaucoup de fun. Puis je pense que c'est ça aussi. C'est pas juste là pour jouer sur la nostalgie. Le court-métrage ou le film en tant que tel, il est vraiment fun puis divertissant. Ouais, ouais, il y a ça. Puis je crois que c'est... Tu sais, je compare ton point de vue, mais je pense que, tu sais, un film... Si le film, il est pas bon, mais qu'il s'amuse pareil à avoir des hommages puis un style années 80 pour juste la nostalgie, je pense que les personnes vont pareil peut-être pas se laisser berner puis juste pas aimer le film. C'est pas parce que tu vas me foutre la musique synthétiseur... à la John Carpenter que je vais automatiquement aimer ton film ou parce que tu mets une pellicule maganée ou ces choses-là. Tu sais, veux, veux pas, t'avais ça avec les... Quand Greenan s'est arrivé avec Tarantino Rodriguez, tout le monde trippait là-dessus. Ah, vieille expérience et nostalgique. Ensuite, t'as eu les Machete, tout ça. Tu sais, Machete jouait encore là-dessus, puis j'ai pas vraiment aimé Machete. Puis, tu sais, t'as beau essayer de me foutre une fausse pellicule numériquement modifiée qui est maganée, puis faire volontairement du bad acting, puis toutes ces choses-là, moi, ça fonctionne pas, puis j'aime pas ça. C'est pas ce style de nostalgie-là que je veux retrouver, moi, dans mes films, puis ça va pas me berner juste parce que moi, j'aimais ça quand j'étais jeune. Mais c'est ça, moi, je suis comme... Je suis comme divisé en deux parce qu'on anime un podcast qui fait on fait juste parler de vieux films. Fait que, tu sais, on aime ça les vieux films, puis on aime ça un peu la nostalgie aussi. On parle souvent de films qu'on a aimés quand on était jeune, qu'on redécouvre, tout ça. Tout à l'heure, on parlera des films du prochain épisode, puis il y en a un de ces deux films-là qu'on a aimé tous les deux quand on était jeune. Tu sais, fait que c'est on aime la nostalgie. Mais en même temps, je trouve qu'une de nos jours, ben, t'sais, c'est ma génération, je parle de ma génération, t'sais, les gens en trentaine, mettons, sont très nostalgiques là, ces temps-ci, t'sais, pis, ils vont montrer à leurs enfants toutes sortes d'affaires de quand ils étaient jeunes, tout ça en espérant que leurs enfants aiment ça aussi. Au lieu de se dire que leurs enfants devraient vivre leurs propres expériences puis avoir leurs propres émissions puis leurs propres références culturelles. Ouais. Puis, tu sais, je trouve que les gens, si tu les encourages toi à être nostalgique, ils vont juste vouloir ça. Puis après ça, ils ne voudront plus aller voir au-delà. Les gens vont juste écouter de la musique des années 90 ou des années 80. À radio, là, partout, c'est juste ça. C'est juste la radio nostalgie tout le temps. Puis les gens s'intéressent. Ben, je ne vais pas faire de grosses généralisations, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent pas à ce qui se fait de nos jours. Puis je ne veux pas non plus que les gens... Je veux pas trop encourager ça, mais dans le cinéma, t'as juste ça, t'sais. Tout à l'heure, je vais parler de Mad Max, mais parce que je n'ai pas encore parlé, mais t'sais, de sortir des Mad Max, sortir Jurassic Park, sortir Star Wars à la fin de l'année, sortir toutes ces affaires-là, Terminator qui s'en vient, t'sais, c'est à se demander en quelle année qu'on est, là, t'sais. On est-tu en 2015 ou en 93, t'sais? J'aime ça, je vais aller les voir. Un des films que j'ai le plus sorti cette année, c'est Star Wars, je vais aller le voir, mais ça reste que c'est encore de la nostalgie aussi, là, t'sais. Mais en même temps, tu sais, si c'est vraiment, tu sais, une suite qui va apporter quelque chose de plus au lieu de juste jouer sur la nostalgie, moi, je suis partant avec ça. Tu sais, veux pas, je suis un gros fan de Jurassic Park. C'est, comme je disais, je vais essayer d'aller le voir demain soir ou vendredi. Je vais en faire une vidéo, j'ai hâte d'en parler. Je suis excité pareil parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une suite de Jurassic Park depuis le troisième qui m'avait quand même laissé sur ma faim, si on veut. Puis, mais j'ai quand même une crainte parce que j'ai peur que le film se dise « Ah ouais, le monde a tellement été déçu par Jurassic Park 3 qu'on va, revenir aux bases, au retour source du premier. » Et dans le fond, c'est comme on va juste pas prendre de risque et refaire le premier film avec quelques éléments de nouveauté et se retrouver avec un film correct, qui va satisfaire les fans sans que ça soit écœurant. C'est ça que j'ai peur, puis que le feeling que j'ai en voyant le trailer, puis j'espère me tromper, puis j'espère que le film va m'offrir plus, mais c'est quelque chose qui m'effraie. J'ai peur que le film n'ait pas de propre identité, puis que ça soit juste un brouillon de quelque chose qui a été fait auparavant, puis c'est ça que j'aime pas quand un nouveau film ou une suite tente de faire aujourd'hui, c'est de jouer, comme tu dis, avec la nostalgie des gens, puis d'y aller avec quelque chose qui est pratiquement un copier-coller de l'œuvre originale, juste pour être certain que le fan ne soit pas déçu, au lieu de prendre des risques. Puis je préfère qu'un film prenne des risques, que je sois déçu, au moins que je me dise, OK, au moins c'est pas un copier-coller, ils ont essayé de faire de quoi de différent, j'ai pas accroché, j'ai pas aimé ça, ben tu sais, au moins ils ont essayé, au lieu de me ressortir un remake camouflé, un reboot, ou de juste y aller... dans la section non-risque, puis on va essayer de vous offrir ce que vous voulez. Tu sais, souvent, un film, ça marche pas vraiment mon affaire pour ce que je vais dire pour les Jurassic Park, parce que c'était des romans avant, mais quand un scénariste s'assoit devant sa machine à écrire ou son ordinateur ou peu importe, il a une page blanche, puis il peut faire n'importe quoi. Il peut faire tout ce qu'il veut dans son film, écrire, aller dans toutes les directions qu'il veut. Une fois que le film a existé, une fois que le film a été fait, ça devient une recette. Ça devient, tu sais, comme Terminator. Terminator, tu sais, faut que tu ailles le I'll be back. Faut que tu ailles. C'est comme une checklist de trucs qu'il faut que tu ailles dans ta suite, parce que les gens vont vouloir retrouver ce qu'ils ont aimé dans le premier film ou dans le film le plus populaire de la franchise. Fait que là, il faut que tu recrées ces choses-là ou des trucs semblables, tu sais. Fait que ça devient une recette. Puis là, on dirait que les scénaristes sont plus capables de penser large. Ils pensent juste comme ça parce que cet univers-là devient fermé. Ça devient un univers qui c'est comme, il faut que ça soit ça, il faut que ça contienne ça. Quand tu regardes le trailer de Jurassic World, j'ai le même feeling que toi. J'ai le feeling que ça va être un film qui va avoir plein de scènes qui vont ressembler au premier film, avec quelques éléments de nouveauté. C'est ma crainte aussi, c'est comme on ne voit pas plus loin que qu'est-ce que c'est supposé être Jurassic Park selon le public, et non pas qu'est-ce que ça pourrait être si on était complètement fou dans notre imagination. Mm-hmm. Il y a une barrière, c'est ça qui est plate dans le gros cinéma hollywoodien, puis il veut pas, avec les gros budgets que ces productions-là ont, il y a une espèce de grosse barrière qui empêche les scénaristes, les réalisateurs, toutes ces personnes-là d'être créatifs puis de vraiment laisser sortir leur plein potentiel pour qu'on ait des films qui vont sortir de l'ordinaire puis qui vont, pareil, satisfaire les fans. Je veux dire, les studios ont tellement peur de perdre leur maudit cash que le film soit un échec, mais que souvent, c'est pareil des échecs en bloquant la créativité des gens. Puis je veux dire, tant qu'à faire, prenez un coup de chance. Puis c'est con parce que des fois, ils tentent des coups avec des films qu'ils n'ont pas eu de producteur derrière puis qu'ils ont vraiment eu de la liberté. Puis le film fait un carton monstre. Tu sais, tu regardes Paranormal Activité, il y en a bien qui disaient... Il y en a bien, en tout cas en France, j'avais lu des critiques quand le premier avait sorti là-bas. Ah, encore un foutage de gueule des studios. Ils s'amusent à rire du public fan du cinéma d'horreur en nous donnant de la merde. C'est même pas ça. C'est un gars qui a pris son propre argent. Ça a coûté 14 000 $. Il a fait ça chez eux, un petit film d'horreur. Paramount Pictures ont juste décidé de l'essayer dans quelques salles. Ça a eu un espèce de gros effet bombe. Puis le film a marché. Puis c'est un film original dans le sens que c'est un gars qui a eu sa propre idée. Il a fait ça chez eux. Puis il n'a pas eu de barrière. Puis il a fait tout ce qu'il voulait. Puis ça a super bien marché. Puis ils ont fait tellement de cash. Puis ça a engendré une nouvelle... franchise qui a rapporté des millions puis des millions en Paramount Pictures. Fait que tu sais, ils ont déjà des preuves avec certains films qui ont osé un peu plus que leur petite barrière puis de leur cliché de « faut absolument donner ça au public parce que c'est ça qui marche en ce moment ». Puis ils ont fait du cash. T'as l'exemple d'une super production, si on peut dire ça, qui a beaucoup, beaucoup d'argent investi dedans, mais qui donne rien parce que c'est peut-être trop original ou trop éclaté, comme Hot Thomas, que je vais tout en vanter, là. Mais un film qui va dans toutes sortes de directions puis qui ressemble à rien d'autre, qui est basé sur un roman qui c'est très fidèle au roman, mais c'est ça, c'est basé sur rien, ça ressemble à rien d'autre qu'on voit, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas été distribué, il ne savait pas quoi faire avec ça. C'était pas selon les recettes habituelles. Fait que, puis ça... pourtant, tous les films de Stephen Sommers ont été au cinéma. Ouais, c'est ça. Je veux dire, ils ont sorti les grosses productions, Van Helsing, les momies, tout ça. Mais il y avait des trucs reconnaissables. Il y avait des vampires, il y avait des momies, il y avait des ci, il y avait des ça. C'était tout à fait que le monde pouvait reconnaître. Tandis que Hot Thomas, c'était des créatures que personne n'avait jamais vues. Le personnage en tant que tel, il a un pouvoir étrange, tout ça. Je veux dire, c'est pas un film facile à vendre, je comprends. Mais c'est dommage. En même temps, faut t'essayer pareil. Oui. Je suis sûr que ça aurait pu trouver un plus grand public, je suis sûr, sur ce. Non, exactement. Puis moi, je trouve ça juste dommage. Puis tu parlais de Terminator. Moi, vraiment, on parlait de ça, de vivre dans la nostalgie, puis le reboot. Puis celui-là, il a vraiment l'air de jouer sur la nostalgie. C'est comme, on va reprendre des scènes du premier. Oh, OK, vous n'avez pas aimé les autres, vous ennuyez du T-1000 avec Robert Patrick. Bang, voilà le T-1000 pour vous autres. Et en plus, juste pour être certain que le monde soit aussi plus sécure avec le film, hey, James Cameron, tiens, voilà de l'argent. Ah, oh, vous savez, Terminator Genesis, c'est le meilleur de la franchise, c'est sur Terminator 3. Vous n'allez pas être déçus. Puis... Comment tu peux. En tout cas, regarde, peut-être que James Cameron y est franc, mais moi, je vois cette vidéo-là, puis je trouve que c'est du foutage de gueule parce que le trailer reflète vraiment comme une des pires suites de la série. Ça a l'air pire que Terminator 3, puis ça a l'air pire que Salvation, puis. James Cameron, il a tellement craché sur ces suites-là. Puis là, le voir glorifier Terminator Genesis, puis... Moi, je comprends pas. Puis ce film-là me désespère. Puis tu parlais du fanservice avec les « I'll be back ». Pas besoin de faire dire « I'll be back » à chaque crise de Terminator, Arnold. C'est pas nécessaire. Puis tu sais, là-dedans, il dit au moins 2-3 fois. Là, puis je suis comme vraiment, c'est... non, ça me tente pas. Là. Votre fan service ne marche pas avec moi. J'ai pas envie de voir ce film-là. Là. Ah, c'est. En tout cas. Mais on parlait de quoi? De Kung Fury. Ouais. Ouais. Mais Kung Fury, je le recommande. Allez voir, c'est juste une demi-heure. Puis moi, j'ai eu du fun. J'ai préféré, je t'en avais parlé en privé, je pense, j'ai préféré la première moitié que la deuxième. La deuxième, je la trouve un peu longue, le combat avec les nazis. Ça finit par être redondant et tout ça. La première partie, c'est vraiment juste du what the fuck. À tout bout de champ, t'en as donné plusieurs. L'affaire du gun dans le téléphone, l'affaire de la machine d'arcade qui se transforme en gros robot, puis tout. Puis non, c'est juste de la grosse folie pure. Puis tu sais, t'as la chanson thème de David Hasselhoff aussi, à ne pas manquer, puis aller voir la vidéo originale qui a été faite, qui inclut David Hasselhoff dans des scènes du film. Puis je sais pas, ils ont réussi à le rajeunir avec ses cheveux puis son look, tout ça. Puis j'ai quasiment l'impression sur le coup, j'étais pas sûr. Je dis, c'est-tu quelque chose tourné des années 80? Il y a vraiment sa gueule des années 80 encore, à part quelques rides au visage, puis ils ont réussi à y arranger les cheveux pour qu'il ressemble au David Hasselhoff de K2000. Là, esthétiquement, c'est vraiment réussi. Je veux dire, l'aspect 80, oui. Là, ça marche au max. Là, les gars sont vraiment talentueux là-dessus, puis ils connaissent leur stock. Là, puis c'est pour ça, je pense que leur gros délai, puis le mix de tout ça, ça fonctionne. Les gars sont juste conscients de ce qu'ils font, puis sont vraiment bons, puis... Tu sais, oui, c'est des effets spéciaux un peu jeu vidéo, mais c'est vraiment bien fait pour le vidéo, ouais. Et tout. Là, t'as vraiment des scènes ambitieuses puis assez surprenantes. Là. Moi, j'ai vraiment trippé. C'est juste du gros fun. Vous écoutez ça en chum là, avec de la bière, de la pizza. Vous mettez ça sur votre télévision Smart TV. Là, en gros, là, assez, c'est 30 minutes que vous allez rire puis tripper. Puis vous pouvez l'écouter en boucle, quasiment. Ça, c'est le genre de truc que je pourrais écouter une fois par semaine, puis je ne m'attendrais pas là, une demi-heure pour me taper comme Fury. Puis, mais comme tu dis, il ne faudrait pas que ça dure une heure et demie. Il faudrait pas, parce qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de personnage auquel tu peux vraiment t'accrocher. T'sais. Ben, tu sais, s'il déciderait de faire une suite ou de faire un vrai film qui durerait une heure et demie, je pense qu'il faudrait qu'il change la formule, puis qu'il arrive à bien doser ça. Tandis que là, il n'y a pas de dose. Là. C'est comme on prend un baril, puis on te le pitch d'en face. Là. C'est comme. Puis le gars qui fait Hitler, je ne l'avais pas reconnu sur le coup, mais c'est un des acteurs du trio The Lonely Island qu'on a vu à Saturday Night Live. Moi non plus, c'est, je ne l'ai pas reconnu. Akiva, je ne me souviens plus son nom exact, mais c'est ça. C'est un des gars de Lonely Island. Et bon, il est méconnaissable. Oui, mais c'est qui est drôle. Il m'a tellement fait rire dans sa manière de prendre des poses là, un peu efféminées. Là, des bras, en tout cas. C'était juste comique. On a fait le tour pour Kung Fury. Oui. Bon, ben, je vais parler de Mad Max. Bon, enfin. Jeff, je voulais pas en parler. J'arrêtais pas de dire. Hey, parle-moi ça en plus, Jeff. Ah, au time-out. Puis ça fait quoi? Ça fait deux semaines? Une semaine? Ouais, deux semaines, je pense. Non, on aurait parlé. Je n'aurais parlé. Ça fait une semaine. Parce que je n'aurais parlé dans l'autre time-out. C'est vrai. Ben, pour moi, ça a paru deux semaines, c'est pour ça. Ouais, moi aussi. Mais. c'est ça, je pense que j'avais déjà dit que j'avais pas vraiment. Ben, je ne trippais pas sur le post-apo en général, puis j'avais pas vraiment trippé sur les trois premiers films. Mais j'ai réécouté avant de voir le nouveau film. Fait que. Puis je suis encore pas un gros fan du style, sauf que j'ai une meilleure appréciation là, des trois. Là, puis ça ne m'a pas nécessairement. Ça n'a rien changé à mon appréciation du 4, parce que tu n'as pas besoin de voir les trois premiers pour voir le 4. Mm. Je trouve que Mad Max, c'est un peu comme des westerns, où Mad Max, c'est un genre de cowboy solitaire un peu à la Lucky Luke, qui se promène de village en village ou de lieu en lieu, puis qui vient aider des gens. Chaque épisode est une histoire en soi qui a un début puis une fin à la fin du film, tu sais, puis que ça ne suit pas. Il n'y a pas vraiment de suite. Y a pas la de seule connexion, c'est Max, c'est tout. C'est ça, puis... Il n'y a pas vraiment de référence à son passé tant que ça là, dans chaque film. T'sais. Peut-être que dans cette nouvelle trilogie-là qui commence avec le 4, il va y avoir des éléments de son passé qui vont être rajoutés, qui vont être différents parce qu'on a des images, des flashbacks qui vont peut-être être expliqués dans les prochains. Mais pour l'instant, il n'y a pas de connexion entre les quatre films en tant que tel, à part l'univers et à part le personnage. Mais ça se suit très bien. Tu peux écouter n'importe lequel des quatre dans n'importe quel ordre, puis t'es pas perdu. Le 4 est une bête totalement différente des trois premiers dans le sens où c'est vraiment plus ambitieux, c'est, Ben, ça a été fait 30 ans plus tard aussi, les effets spéciaux sont mieux faits. C'est, y a énormément de budget, puis évidemment, tu as un Max différent. C'est pas Mel Gibson, c'est Tom Hardy. Et ben, tout a été pas mal dit là-dessus, mais c'est vraiment très divertissant, c'est très le fun. Ça, t'embarques là-dedans de la première seconde à la dernière, là, puis tu lâches pas, malgré, même s'il y a deux, trois petits moments qui sont plus calmes, ça fait juste du bien de les avoir dans ce gros ride de 2 heures. Puis non, j'ai vraiment eu du fun, contrairement aux 3 premiers films qui me laissaient un peu froid, tu sais. Celui-là, il est vraiment plus intéressant. Est-ce que pour moi, ça serait le meilleur film de l'année? Je pense pas. Tu sais, je sais que pour toi, c'est comme le meilleur film d'action des 10 dernières années, puis le film de 2015. Moi, je suis comme... Moi, pour moi, c'est juste un film d'action, puis c'est juste... C'est pas aussi, mettons, que... Je vais être snob, tu sais, mais mettons qu'il y aurait un film qui me ferait capoter, qui serait, mettons, par Woody Allen, ou un film plus sérieux, plus dramatique, je serais plus porté à dire que lui, c'est le meilleur film de l'année qu'un Mad Max. T'sais, Mad Max, pour moi, c'est pas du calibre de film de l'année, pour moi, là, personnellement, mais j'ai trouvé ça vraiment très le fun. T'sais, c'est 2 heures qui passent très vite, puis est-ce que j'ai envie de le revoir tant que ça? Peut-être pas, là. T'sais, une fois que je l'ai vu, c'est correct, mais... Puis ça, je recommande à tout le monde de le voir sur grand écran là, pendant que c'est encore possible. Là. Je ne l'ai pas vu en IMAX, mais je l'ai vu sur un écran normal, pas en 3D. Je voulais rien savoir du 3D. Moi, depuis Man of Steel, je ne veux plus rien savoir du 3D. Mais c'est ça. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ça. Charlize Theron est vraiment badass là-dedans. Je l'ai dit en français, là, Charlize Theron. Oui, Charlize Theron. Theron. Elle est très badass. Puis, elle est bonne. Puis un de mes personnages préférés dans le film, c'est celui qui dit la phrase dans le trailer, le « What a lovely day », puis qui jouait dans Warm le film Body. De Vampire, « Warm Bodies ». J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé son personnage à lui. Puis je comprends pas, à la sortie du film, honnêtement, là, j'ai lu un million de choses avant de voir le film, j'ai vu des vidéos, j'ai vu toutes sortes d'affaires. Je comprends pas les gens qui disent que Max est un personnage secondaire dans le film, parce qu'il est là du début à la fin, il participe à toutes les scènes d'action, il est super important dans le film, il est aussi important que le personnage de Charlize Theron est importante, mais ils sont également importants, je trouve, sans lui, il n'y a pas d'action dans le film, tu sais. Non, Max est important, mais c'est vraiment Furiosa qui est comme pas mal le personnage principal. Puis... Ben, c'est sa quête à elle, je comprends. Là, mais lui, il est là du début jusqu'à la fin. Là, En fait, quand le monde dit ce qui est secondaire, c'est pas qu'on ne le voit jamais à l'écran. C'est vraiment en termes de, comme tu dis, de quête, parce que veut pas, Max, comme je disais, moi, Max là-dedans, il est surtout comme l'espèce de rédemption pour Furiosa qu'elle recherche tant. Puis à un moment donné, il dit clairement, là, avant la grande poursuite finale, il dit « on pourrait peut-être y retrouver la rédemption que tu recherches, puis moi également, puisque Furiosa, c'est aussi la rédemption de Max en même temps. Les deux vont apporter chacun quelque chose d'important dans leur existence, puis dans leur recherche, leur quête, en fait. Puis, je pense... Max, moi, je trouve pas qu'il est absent. Il y en a même qui disaient que ça devrait même pas s'appeler Mad Max, mais c'est comme faut pas se charrier non plus. Je veux dire, dans toutes les scènes d'action, il est quand même présent, puis il est là. Il est très présent, il est très actif. Il est très présent, c'est juste que la quête principale, ça a rapport avec Furiosa, mais je veux dire, le personnage de Max, il est pareil, important, puis il est là pour apporter quelque chose. Dans le fond, c'est juste un chapitre de sa vie. Je me doute que s'il y a un 5e film, elle ne sera plus là, Furiosa. T'sais, j'aimerais ça, là, mais c'est probablement juste, c'est fini son histoire. C'était ça, puis c'était ça. Ça commençait là, ça se finissait là, ce chapitre-là de la vie de Mad Max, de Max. Puis la manière que ça se finit, le film, le dernier plan, ça donne ce feeling-là. T'sais, c'est comme, j'ai traversé cette route-là, j'ai terminé. C'est comme, content de t'avoir rencontré, au revoir. C'est comme Lucky Luke. Il s'en va dans son vers le soleil couchant quasiment. C'est quasiment ça. C'est l'équivalent de ça. T'sais. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en vais dans une autre place. Il va arriver dans un autre village à un moment donné, un autre coin de pays, désolé. Puis il va arriver d'autres aventures avec d'autres personnages. Mm. Mais ça reste que c'est Mad Max, le fil conducteur de cette série-là. Ouais. Puis, Je vais prouver mon ignorance. Je ne connaissais pas du tout Tom Hardy avant ce film-là, puis il fait une bonne job, je trouve. Tu connaissais pas Tom Hardy? Non. T'as rien vu de lui? Je pense pas, non. C'est lui qui faisait Bane dans le 3e Batman de Nolan. Pas vu. OK. En tout cas, il a fait. T'as pas vu Warrior? Non. Bronson? Non. OK, non, t'as vraiment rien vu. Ben, je te conseille de découvrir un peu plus en checkant sa filmographie. C'est vraiment un excellent acteur qui a fait des rôles variés puis des performances vraiment impressionnantes et énergiques. Fait que c'est vraiment un bon acteur. Moi, c'est pour ça que quand j'ai vu que c'était lui qui faisait Max, j'étais pas fru, j'étais pas inquiet, rien. J'avais parfaitement confiance en Miller et en Tom Hardy que je savais ses compétences. Fait que moi, j'étais sûr qu'il allait faire un excellent Max puis j'étais bien content, là. Il y a deux semaines, t'as mentionné justement que George Miller avait fait les Happy Feet. J'avais aucune idée que c'était lui. Moi, dans ma tête, George Miller, après Thunderdome, il n'avait plus rien fait. Là. J'étais pas au courant du tout de sa carrière. Là. J'ai cru comprendre que c'est lui qui a fait Babe aussi. Oui. Okay. Le premier ou le deuxième ou les deux, je ne sais plus. Mais okay. Puis c'est ça, ça veut dire pendant 30 ans, dans 30 ans entre les deux, entre le 3 et le 4, il a fait juste des films pour enfants. Ben quoi, Ben, les sorcières des souhaits qui a été faite avant ou après Mad Max. C'est lui aussi, ça? Ouais. Okay. Il a été fait après, c'était en 89, je pense. C'est drôle, tout le monde parle de Miller tout le temps pour Mad Max, mais quand tu fouilles sa filmographie, il a vraiment fait d'excellents films qui mériteraient à être redécouverts totalement. Là. Puis, tu sais, j'en parlais dans les comédies. Moi, les sorcières des souhaits, c'est une de mes favorites. Puis, je trouve que ce film-là est. En tout cas, je trouve pas qu'il est assez connu encore, puis il est mis un peu de côté, contrairement à d'autres comédies, puis je trouve que c'est dans mes favoris du réalisateur, là. Fait que j'aime beaucoup ce film-là. Ouais, c'est un film qu'il faudrait que je revisite, ça fait longtemps que j'ai vu ça. Je l'ai vu une fois à l'époque, je pense. Mais tu sais, même les Happy Feet, c'est vraiment d'excellents films d'animation qui ont vraiment d'excellents messages, puis qui est vraiment des bons films familiales, puis pour enfants, c'est musical, c'est enjoué, puis c'est vraiment génial. Même chose pour Babe, je l'ai revu il y a peut-être 2 ans, je l'avais racheté en Blu-ray, Chantal ne l'avait pas vu, j'ai fait écouter, puis c'est vraiment bon, c'est vraiment un bon film, je veux dire, c'est bien écrit, c'est bien développé, c'est pas enfantin pour un sou, puis je trouve que c'est tout le temps les meilleurs films pour enfants. Quand tu fais un film pour enfants, faut pas forcément que tu fasses juste des films surréalistes, puis qui sont là juste pour faire rire avec des niaiseries, tu sais, que ce soit bananas, là, j'ai complètement oublié leur nom, là, les petits bonhommes jaunes qui n'arrêtent pas de faire banana! J'ai jamais vu Babe, fait que je peux pas. Non, c'est pas Babe, mais le film d'animation, là, les petits bonhommes jaunes. Les Minions, là. Les, ouais, les Minions. Tu sais que c'est pendant 1h30, c'est juste des niaiseries que ça n'apporte rien, tandis que. Moi, en tout cas, mes films de jeunesse, c'est des films que ça montrait des choses de la vie, des réalités de la vie, des choses qui sont pas toujours faciles, tu as des moments difficiles, puis c'est une réalité, je pense, qu'il faut faire découvrir aux enfants, qu'il faut pas juste les enfermer dans un cocon de « tout est beau, tout est parfait, on vit dans un monde génial ». Puis je trouve des films comme « Babe » ou il y en a pas d'autres qui me viennent forcément à l'esprit, mais d'autres films d'animation ou d'autres films destinés aux enfants et aux adultes apportent des sujets vrais et réalistes de la vie tous les jours qui sont pas toujours faciles, puis que ça va déjà montrer des bases pour les enfants, comme quoi il y a des épreuves qu'ils vont falloir surmonter, puis que ils peuvent les apprendre en ayant du fun avec un film comme ça. Puis moi, Babe, je trouve que c'est un film qui montre ça, puis que j'aime beaucoup. Puis je trouve que les films d'enfants de nos jours en manquent beaucoup, à part les films de Pixar. Je trouve que Pixar sont encore les best là-dedans. C'est des films intelligents puis qui apportent beaucoup plus que juste des niaiseries pendant 1h30 pour divertir les enfants. Puis c'est juste que je trouve que de nos jours, il en manque de ces films-là. Puis c'est important pour les enfants. Faut leur montrer les bonnes valeurs puis un peu de difficultés de la vie qu'il va y avoir. Parce que je crois et je continue à croire que Wall-E est un des films les plus importants du 21e siècle jusqu'à date. Ça te montre exactement où on s'en va en termes de technologie et d'abrutissement de la population. Puis plus le temps passe, plus le film a raison encore. Là, ouais, vraiment. C'est un film sur l'écologie, puis sur les méfaits de la technologie, puis comment est-ce qu'on peut être stupide. Là, puis tu vois le monde qui sont... de plus en plus, le pencher tout le temps sur leur téléphone, puis qu'ils se parlent pas, puis qu'ils sont un à côté de l'autre, puis ils se parlent pas, puis t'avais déjà tout ça dans Wall-E, tu sais. Puis tu sais, même si les jeunes saisissent pas tous les messages dans le film, tu sais, si c'est un film qu'ils vont beaucoup apprécier, puis Wall-E, ça a tellement marché, ils vont l'écouter, puis ils vont le revoir, puis à force de le réécouter, ils vont saisir le message, puis ils vont remarquer des nouvelles choses, puis moi, je trouve que c'est juste génial. Tu sais, il y a des messages que je voyais pas, moi, dans des films d'enfants que je revoyais aujourd'hui. J'étais comme, oh, je comprenais pas que ça voulait dire ça, mais maintenant, je le sais. Puis, je suis comme, c'est bien qu'il ait mis ça dans ce film-là. Puis... Mais on fera peut-être un jour un épisode avec Babe, parce que j'ai jamais vu. Puis, j'ai tout à été curieux. Ben, tu sais, j'en parlerai tantôt dans 2 secondes avec Pauly Shore, mais il y a eu une période, c'est rendu à 95. Je pense que Babe, c'est 95. Rendu là, moi j'avais 18 ans, puis c'était pour moi, c'était, à mes yeux, c'était juste un film pour enfants, puis ça m'intéressait pas. Là, mm-hmm. Je voyais que c'était populaire, je me rappelle que tout le gros buzz autour de Babe, mais j'avais eu ma passe film d'animaux qui parle avec Retour au Bercail 2-3 ans. Ouais. Puis Babe, c'était comme arrivé trop tard dans ma vie. Là, moi j'étais à 18-19 ans, je commençais le cégep, je voyais des films plus importante, c'est plus intello un peu, puis j'étais comme... J'ai eu une période snob, une période où je voulais rien savoir de Babe. Je me rappelle quand Independence Day est sorti, je voulais rien savoir de ça, c'était comme... C'est de la grosse merde. Hey. Après, éventuellement, après ça, je me suis calmé là-dessus, je me suis remis à aimer des mauvais films, là, mais, ou des films plus moins sérieux, là, mais... Mais j'ai eu ma période très, très snob aussi. Tu parles d'Independence Day... Hey, le 2 s'en vient! T'as-tu vu le poster? Oui, j'ai pas vu le poster. C'est que dans le genre what the fuck en termes de suite qui sort de nulle part, je pense que Independence Day en gagne un beau trophée. Le pire, c'est que je vais peut-être être plus indulgent parce qu'il y a Jeff Goldblum puis que je m'ennuie de Jeff Goldblum. Je pense que j'aimerais encore plus Jurassic World s'il aurait ramené Jeff Goldblum. Je sais bien qu'il l'a ramené pour la suite, pour Lost World, mais j'aurais aimé ça qu'il le ramène encore. Mais en même temps, c'est une question de logique. Je veux dire, ça aurait été impossible de ramener le personnage de Jeff Goldblum ou de Sam Neill. Il n'y a aucun de ces deux personnages-là qui sont assez innocents pour retourner une troisième fois en vivre un cauchemar sur une île. Fait que, logiquement, c'est normal qu'on ne revoie pas ces personnages-là. Non, je comprends. Mais... C'est juste que je m'ennuie de Jeff Goldblum. Puis, tout le monde s'ennuie de Jeff Goldblum. Il améliore le film ou presque. Là, mais bon, c'est ça. Non, Independence Day. Bon, on verra comment ça va virer. On verra avec les traits. Fait que là, on est rendu où dans notre discussion? Je sais pas. Là, on est tellement partis d'un bord puis de l'autre que je suis tout perdu. Fait que je pense que tu as parlé de Mad Max. Je pense. Ah, c'est vrai. C'est vrai. OK, ben je vais rester un petit peu plus vite parce que là, je ne veux pas m'interdire, mais quoi qu'il me reste pas grand-chose. Hier, j'ai écouté Enter the Dangerous Mind. C'est un film que la plupart du monde n'a pas entendu parler et qu'il y a une mauvaise cote sur Rotten Cotton ou sur la plupart des films. Je n'ai pas remarqué avant de l'acheter. Moi, je l'ai acheté parce que j'ai vu le trailer. Je l'ai trouvé intéressant. J'ai comme fait, j'ai envie de voir ce film-là. Il n'était pas cher, fait que je l'ai pris. Ça raconte l'histoire de... Comment il s'appelle là-dedans? De Jim. Puis Jim, c'est un schizophrène. Il a été suivi par son médecin qui l'a laissé tomber puisqu'il disait que c'était un cas qui n'était pas guérissable. Puis le film touche un peu ça. Tu as des sujets entre les personnes qui sont malades, qui peuvent être guéries, et les personnes qui sont malades, qui sont inguérissables et qu'on ne peut rien faire. C'est mal amené. Par contre, autant je trouvais ça intéressant au départ... Le film, c'est maladroit, ça s'y attarde pas vraiment. Puis ensuite, on va juste se concentrer sur Jim, qui est schizophrène, qui entend constamment une voix, qui n'arrête pas d'y parler. Et pour tenter de l'ignorer, puisqu'il est quand même conscient que c'est pas vrai, puis présent, il s'évade dans sa musique. C'est un DJ, il fait du dubstep. Il passe ses journées à juste faire ça, à créer des nouveaux morceaux, puis à les mettre en ligne. Puis à écouter de la musique pour tenter de ne pas entendre la voix qui parle constamment puis qui conseille de faire de vilaines choses. Autant c'est intéressant, autant c'est un mauvais film parce que le réalisateur prend tous les clichés de trucs schizophrènes puis de comment je pourrais dire, de ride dans l'esprit, dans un esprit dérangé. Tous les clichés sont là, c'est lent, c'est long. Pendant les 30 premières minutes, la voix qui est dans sa tête est plate. Tout ce qu'il dit, là, c'est t'es pas capable de parler aux filles, t'es pas capable de fourrer avec des chicks. Hey, qu'est-ce que t'attends, là? Arrête d'être un homosexuel puis fonce vers les filles. Il fait juste dire ça pendant une demi-heure, tu sais, je veux dire. je dis pas que c'est supposé être intéressant, une voix imaginaire qui parle à quelqu'un, puis c'est pas supposé être quelque chose d'agréable, mais je veux dire, c'est irritant dans le film, c'est pas intéressant, puis ça tape ses nerfs, surtout que c'est pas juste une voix qu'on entend, c'est un acteur qui joue la voix, qui est à côté de lui, que personne voit, mais que nous, on voit, puis moi, ça m'a tapé sur les nerfs, puis la progression de Jim, je la trouve mal amenée, l'acteur est vraiment pas bon, je trouve que l'acteur joue vraiment pas bien, puis pourtant, c'est joué par Jake Hoffman, qui fait une apparition dans Rain Man avec Tom Cruise, étonnamment, puis il fait une apparition dans un autre film. Mais je trouve que c'est un acteur qui est pas bon. Il ressemble à comment il s'appelle? Le gars d'American Pie qui fourre une tarte. Jason Biggs. Jason Biggs. Il a le même physique que Jason Biggs, puis pratiquement le même jeu d'acteur, dans le fond. Il ne sait pas vraiment jouer. Puis c'est ça, dans le fond, tout ce que t'attends dans le film, c'est juste que son, à un moment donné, ça l'explose. C'est comme une bombe à retardement, puis à force de se faire manipuler par les voix qu'il entend, bien, il va juste finir par exploser parce qu'il y a un ancien traumatisme qui a causé tout ça, qu'on nous explique pas tout de suite, mais qui est prévisible. On le voit venir à des kilomètres avant même qu'on finisse par nous le mettre en pleine face pour dire « Ah, vous êtes surpris, c'est ça qui est arrivé. » Toute la finale violente où que Jim finit par exploser, elle n'a pas vraiment d'impact parce que finalement, tu te fous de tout le reste. C'est pas intéressant. C'est vraiment un film maladroit qui aurait pu être intéressant, qui avait du potentiel puisqu'il semblait miser beaucoup sur le fait de Jim qui tente de s'évader de sa musique. Même le trailer était fait en fonction de la musique, le montage. Tout est fait en fonction des bruits sonores. C'est vraiment étrange parce que tu vois que les réalisateurs avaient un concept avec ça, mais qu'ils l'ont juste pas amené ou qu'ils savaient pas en tout quoi faire. Fait qu'on se retrouve juste avec un film vraiment banal, stéréotypé au max. C'est pas bon. C'est vraiment juste pas bon. Je suis vraiment ressorti pas déçu, mais je dirais juste écœuré. C'est comme j'ai vraiment passé un mauvais 1h30. J'ai pas apprécié la ride pantoute. Puis c'est ça. C'est vraiment juste un mauvais film. Dommage. Puis je suis pas un expert en schizophrénie. Je connais pas toutes les choses qui arrivent à ces personnes-là, mais j'ai l'impression que dans le film, le gars, il a vraiment pas cherché vraiment loin pour essayer de faire quelque chose de réaliste. Puis c'est vraiment plate. On dirait que c'est juste fié sur des clichés de base pour essayer de faire le film typique de personnes qui vont finir par devenir un tueur à cause de X raisons. Puis les raisons sont autant stupides que l'exemple de Halloween de Rob Zombie, que Michael Myers il devient fou, puis il a commencé à partir des animaux, puis qu'il vivait dans une famille violente. Tu sais, le cliché américain, mais c'est ça que ce film-là fait avec son sujet, puis ça, c'est juste plate. Là. OK. Bon. Et moi, je pense que je vais enchaîner avec Pauly Shore. ce qui m'a donné le goût de découvrir la carrière de Pauly Shore, c'est qu'en février dernier, il est apparu sur le podcast Nerdist, animé par le comédien Chris Hardwick. Le gars, il a fait genre quelque chose comme 300 épisodes de ce podcast-là. C'est super intéressant. C'est des entrevues vraiment, vraiment très le fun. J'avais écouté celle-là avec Pauly Shore, puis ça m'a donné le goût de... Ça m'a appris premièrement beaucoup de choses sur lui, sur sa carrière, puis sur sa famille aussi, sa mère qui est propriétaire du Comedy Store, puis qui est rendu bien malade à cette heure et tout ça. Mais bon, c'est ça. Puis lui, Pauly Shore, il a son propre podcast aussi maintenant, depuis quelques mois, et je me suis mis à devenir un gros, gros fan de ça. Et donc, ça m'a donné le goût de revoir ses films, parce que moi, tout ce que je connaissais, c'était genre L'Homme d'Encino, c'était Son in Law, puis un film avec le duo de rap Kid and Play qui s'appelle La Grande Classe, ou Class Act en anglais. Mm-hmm. Et c'était pas mal les trois seuls films que j'avais vus avec Pauly Shore. Puis je me suis dit, ben, je vais me retaper ces films-là et je vais essayer de voir le reste, ceux sur lesquels que j'ai un peu craché ou que, comme je disais tantôt pour Babe, qui m'intéressait pas, rendu un certain âge, rendu en 94-95, ça m'intéressait plus de voir, mettons, Jury Duty ou de voir Biodome ou In the Army Now, tu sais. Je voyais ces films-là sortir en cassette et pourtant j'avais aimé Pauly Shore quelques années auparavant, mais là c'était comme. Plus dans ce mood-là. Là, c'était passé. Fait que je les ai regardés dans l'ordre chronologique. Et Encino Man, pour moi, ça reste encore très, très, très le fun. Sean Astin, Brendan Fraser, Pauly Shore, ça fait un trio vraiment trippant. T'sais, le film mettait en vedette Sean Astin, parce qu'à cette époque-là, il avait déjà fait les Goonies, il était sur le point de faire Rudy, c'était quelqu'un qui était quand même relativement connu. Les deux autres étaient des nouveaux. Brendan Fraser, je pense que c'est son premier film, puis Pauly Shore aussi. Pas tout à fait, mais c'est leur premier gros film, parce que Pauly Shore avait fait genre Phantom of the Mall, d'autres petites affaires avant. Mais c'est la première fois qu'on voyait vraiment son personnage du Weasel dans un film, puis c'est Manny, tout ça, puis Brendan Fraser, c'était un beau véhicule pour lui pour montrer à quel point c'est un acteur physique et tout ça. Puis je trouve que la comédie marche encore, même si c'est très, très naïf, très niaiseux. Et je trouve que c'est sûr qu'il y a un aspect nostalgique. L'aspect nostalgique pour moi, ouais, tu disais années 80, tu dis. Je dirais que l'humour est très années 90. 90, oui. Même si ça commençait la décennie, c'est très. Mais c'est ça, c'est très naïf. C'est très. Tu verrais plus ça des adolescents, des jeunes de l'école qui sont naïfs comme ça de nos jours dans un film, tu sais. Mais. Puis qui, tu sais, ils connaissent presque rien sur les hommes des cavernes ou quoi que ce soit. T'sais. En tout cas, ils sont très, très naïfs. C'est vraiment le mot qui me revenait souvent à l'esprit. Mais il y a des scènes classiques comme la scène où Brendan Fraser prend une grenouille puis avec un genre de flamme, un briquet, puis la brûle, puis il arrache la tête, il mange la tête. Ce qui va revenir ce qui va revenir plus tard dans d'autres films que je vais parler. Mais en tout cas, il y a toutes sortes de scènes classiques. Puis je trouve que c'est une comédie qui passe vite, qui est le fun, puis que ça a mal vieilli parce que, comme tu dis, c'est très années 90. Là, je veux dire, pour quelqu'un qui est au début de la vingtaine, aujourd'hui en 2015, ce film-là paraît très, très vieux, j'imagine. T'sais, pour moi, c'est ma jeunesse. Là, j'avais 13 ans à ce moment-là. Fait que, c'est ça, il y a un aspect nostalgique. C'est vraiment ça ce qui me plaît le plus, je pense, là, de me retrouver. Puis c'est un film que j'ai vu au cinéma. Fait que, je me revois un peu dans cette époque-là. Mm. Son in Law, qui est mon préféré avec Pauly Shore, finalement. Je ne l'avais pas revu depuis 20-25 ans, mais je me rends compte que c'est mon préféré. Je trouve que c'est le film dans lequel le scénario qui a le plus de cœur dans tous ses films. C'est vraiment une belle petite comédie romantique, si on veut, sincère, avec des bons sentiments et tout. Puis c'est niaiseux, tu sais, c'est cabotin, mais c'est pas trop niaiseux. On n'est pas encore au niveau de Biodome, qui là, c'est vraiment l'humour d'enfant de 5 ans. Là. Mais non, je trouve que le gendre. Puis tu sais, moi j'ai tout le temps eu un fait pour Carla Gugino, puis c'était un de ses premiers rôles, puis elle est vraiment charmante dans ce film-là. Puis t'as Lane Smith qui joue son père, qui un an ou deux plus tard allait jouer dans Lois and Clark, Les Aventures de Superman, puis qui allait faire Perry White, le boss du journal. Puis ça, pour moi, c'est son rôle, c'est son plus grand rôle à vie. Là. Pour moi, c'est Lane Smith est un très bon acteur. Puis, je sais pas, il y a un beau cast, un beau casting dans le genre, puis plein de bons sentiments. Puis, ça reste encore très, très léger, on s'entend. C'est un film qui m'en vedette de Pauly Shore, mais c'est. Je sais pas, il y a quelque chose de sincère, de doux, de sweet là, dans ce film-là qui me plaît vraiment beaucoup, puis je trouve que ça peut plaire à tout le monde. Puis, c'est peut-être celui qui a le mieux vieilli, qui passe le mieux dans tous ses films. Parce que ça peut rejoindre beaucoup, beaucoup de monde. C'est très familial, puis c'est plein de bonnes valeurs. Tu sais, c'est encore là, c'est super quétaine. Ça a peut-être mal vieilli, mais je trouve ça le fun. C'est le mieux équilibré de la gang, dans le sens que t'as des moments qui sont drôles, ça va pas trop loin dans la connerie. L'histoire reste intéressante et le fun à suivre. Les personnages aussi. Tu sais, tout un certain équilibre qui fonctionne bien, alors que d'autres, c'est... D'autres des films, en tout cas, tu vas parler par la suite, je trouve que c'est plus instable de chaque côté, que ce soit niveau histoire, niveau personnage, niveau humour. C'est tout débalancé, tandis que là, c'est sans doute celui que lorsque j'ai tout revu, puisque j'ai une passe aussi Pauly Shore, puis les DVD sont à 5$ Walmart, fait que je m'en étais procuré comme 3-4. Puis lorsque j'ai vu Son in Law, j'étais comme, je pensais que c'est lui que j'allais le moins apprécier, parce que dans ma tête, je connaissais mieux les autres, mais au contraire, j'avais vu celui-là, puis j'avais vraiment eu du plaisir, puis dans celui-là, Pauly Shore, il n'est pas irritant. Il est vraiment juste. Il est juste le fun. On dirait que tu as juste envie d'être ami avec lui. Puis, oui. C'est vraiment un plaisir que j'ai eu en revoyant celui-là. Les intentions de son personnage sont sincères. T'sais, le gars, il est pas dans son élément. C'est un gars de Los Angeles. C'est un gars qui n'a jamais connu ça à la ferme. Au début, il capote, il vire fou, mais. Il y a du cœur, puis c'est ce que les autres voient dans sa famille. Puis tu sais, t'as l'autre, celui qui était le futur fiancé, le fiancé de la fille de Carla Gugino, qui est un esti de trou de cul, là, que toute la famille vénère, mais qui est un esti de marron. Là. Mais c'est ça, c'est un genre de film qui fait un peu écho à la comédie des 60, devine qui vient dîner ce soir avec Sidney Poitier et Spencer Tracy, qui c'était plus un film raciste, sur le racisme en fait, parce que Spencer Tracy est un père blanc et tout ça, puis sa fille blanche, évidemment, ramenait un gars noir chez eux, puis ça créait plein de problèmes. Puis je me rends compte aussi, j'ai pas grand-chose de profond à dire là-dessus, c'est juste que je me rends compte que certains films de Pauly Shore souvent copient des vieilles comédies, des trucs comme ça. Je vais en parler dans deux secondes avec Jury Duty. Mais c'est ça. Après ça, j'ai revu La Grande Classe avec le duo Kid and Play. Pauly Shore apparaît genre 5 minutes dans ce film-là. Mais c'est un film que j'ai toujours beaucoup aimé, que je recommanderais à tous ceux qui cherchent des comédies des 90. Je trouve que ce film-là, c'était en 92 ou 93, je pense. C'est une excellente comédie d'adolescent des années 90 pour moi, là, que tu sais, t'as tout un peu dedans. T'as de la comédie, t'as du cabotinage, t'as des poursuites, poursuites en voiture, t'as des légères fusillades et tout ça, mais beaucoup, beaucoup d'humour. Je trouve ça très, très drôle, très le fun. L'acteur principal, celui qui était Kid dans le duo de rap, celui qui avait les cheveux drette sa tête qu'on voit dans les films House Party. Je sais pas, il y a un petit quelque chose de quasiment d'un jeune Woody Allen dans sa manière d'être comique, d'être dans ses mimiques un peu sans tout le talent de Woody Allen, le talent d'acteur, mais il y a quelque chose de comique dans ce genre-là un peu. Puis j'adore ce film-là. Je l'ai vu des dizaines de fois, puis ça, encore là, c'est le côté nostalgique parce que je l'ai vu à l'époque, puis j'ai grandi avec ce film-là, mais j'aime beaucoup ça. Après ça, j'ai vu In the Army Now, que je n'avais jamais vu. Et c'est dans le dernier film dans lequel Pauly Shore a les cheveux longs. On le voit à l'écran se faire couper les cheveux. Et j'ai été surpris par ce film-là. Je ne m'attendais pas à aimer ça. Et j'ai été agréablement surpris parce que, ben, premièrement, il y a Laurie Petty. C'est un des éléments les plus. Un des affaires, des points positifs du film, c'est l'actrice Laurie Petty. Je me rends compte que je m'ennuyais d'elle. Puis que dans ce film-là, c'était un souffle d'air frais. C'était comme. Hey, tellement, je sais pas, il y a une belle chimie entre. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une belle chimie, pas juste entre elle puis Pauly Shore puis tout ça, mais il y a une belle chimie entre la gang. C'est un film de gang. Ce sont quatre ou cinq personnages qui sont poignés dans une situation vraiment plate. Vers le trois quarts du film, ils sont poignés dans le désert, toute la gang, puis il faut qu'ils survivent, puis ça, ils sont dans l'armée, puis ils sont perdus dans un désert en Afrique. Et. Puis Pauly Shore, son personnage, finit par prendre le leadership de tout ça, puis son personnage, je le trouve. Cabotin comme dans ses autres films, mais pas trop non plus. Il est quand même assez intelligent pour puis sérieux pour surmonter les situations, les problèmes. Puis je l'ai trouvé attachant dans ce film-là. Puis ça reste un de mes préférés aussi encore de ces films parce que ça, c'est un film que j'aurais envie de revoir encore. Là. Tu sais, si je l'avais vu à l'époque, je pense que je l'aurais vu plusieurs fois. Puis j'aurais grandi avec ce film-là. J'aurais vraiment beaucoup aimé ça parce que j'ai trouvé ça très, très. Très fun, très divertissant, drôle, puis j'ai vraiment apprécié la gang, en fait, l'esprit de gang dans leur petit peloton là, de soldats. Là, puis, tu l'as déjà vu, ça, ce film-là? Oui, c'est un que j'apprécie beaucoup, que j'avais acheté en même temps avec Sand In La. Puis, non, comme toi, je pense que c'est vraiment l'effet de gang qui fait en sorte que ce film-là, il est le fun. Puis encore une fois, je pense qu'il y a un bon équilibre avec l'humour de Pauly Shore. Comme tu dis, son personnage, il est cabochon, mais sans l'être trop. Tu sais, il est quand même intelligent. Puis ça fait un bout, je ne l'ai pas vu par contre. J'aimerais ça le redécouvrir pour le fun, mais j'en garde vraiment un bon souvenir de celui-là. Ensuite, il a fait Jury Duty, qui n'est pas un film super connu. C'est ça, il fait un personnage encore très adolescent dans sa tête, là, puis qui finit par se ramasser sur un jury. Lui, il accepte, ben, soit il est attiré par ça parce qu'ils ont promis genre 5$ par jour, là, puis c'est un flow dans sa tête, fait que, il est bien content d'avoir 5$ par jour, puis d'être hébergé à l'hôtel. Puis ben, c'est ça, c'est avec l'actrice Tia Carrere, puis avec Stanley Tucci, puis il y a plein d'autres acteurs. Il y a des dizaines, je dirais, d'acteurs et d'actrices. Le genre de face là, que tu as déjà vu, mais que tu ne sais pas vraiment c'est quoi le nom, mais tu es beaucoup, beaucoup d'acteurs de talent. C'est pas un film qui mérite d'avoir tous ces acteurs-là parce que le scénario est très, très mince. Puis comme je disais tantôt, ces films souvent sont copiés sur des vieux films. Ce film-là est une parodie de 12 hommes en colère, de 12 Angry Men, le film des années 50. Il y a beaucoup de scènes qui parodient ça. Puis même qu'on voit à un moment donné sur une télé, on voit 12 hommes en colère. Mais j'ai trouvé ça quand même relativement sympathique, quoique c'est très léger. Puis je pense que rendu là, il ne savait plus trop quoi lui faire faire comme quel, quel genre de cabotinerie pour lui faire faire. À un moment donné, ils font déguiser en femme, tu sais, pour aller voir quelqu'un qui est la personne en fait qui est accusée durant le dans le procès, la personne qui est accusée, il va y rendre visite dans sa cellule déguisé en femme. Puis, tu sais, c'est juste une grosse scène de niaisage avec Pauly Shore déguisé en femme, puis qui les gardes le regardent à travers la fenêtre de la porte, puis ils voient sauter sur l'accusé, puis tout, en tout cas, ça fait simuler des actes sexuels, puis c'est juste du gros niaisage, là. Mais le point positif de ce film-là, pour moi, c'était le chien qui accompagne Pauly Shore. Il est avec un genre de petit chihuahua, je sais pas trop quoi, puis le chien est tellement drôle, puis tellement bon acteur, dans le fond, puis sympathique. T'sais, le chien, c'est drôle parce que son personnage, lui, dès qu'il voit une télécommande de télé, il change de poste, puis il message Géopardy, puis le chien, il capote sur Géopardy, puis faut pas le déranger, sinon il se met à grogner quand c'est Géopardy. Puis à la fin du film, Tia Carrere puis Pauly Shore qui sont attachés à quelque part, puis le méchant, il les tient en otage, puis le chien s'en va pour les sauver. Puis sur son chemin, il voit une TV qui joue Géopardy. Fait que là, il reste concentré sur Géopardy. Puis il a failli pas aller les sauver. Finalement, il est allé, là, mais durant une pause commerciale de Géopardy. Mais dès qu'il a réussi à les sauver, il a entendu le petit thème musical du Final Géopardy. Puis il revient tout de suite vers la TV parce qu'il veut pas manquer la finale. T'sais. C'est juste drôle. Le chien est charmant, là, c'est super drôle. Sinon, c'est un petit film vraiment mineur. Puis ben c'est ça, j'ai vu le fameux Biodome qui a été quand même, je me rappelle à l'époque c'était quand même assez populaire, mais je sais que ça a été un flop au box-office, mais je me rappelle que moi, il me semble que c'était un film qu'on voyait sortir souvent, c'était très populaire à l'époque. Je l'ai écouté en boucle quand j'étais jeune. Mais je pense que ça a été un flop au box-office, si j'ai bien compris, puis ça a marqué la fin de la carrière de Pauly Shore aussi. Moi, j'ai tout de suite compris dès le départ du film que ça serait pas mon genre. Quand j'ai vu Pauly Shore puis Stephen Baldwin, son l'autre acteur qui est avec lui, quand je les ai vus assis couchés sur un divan, tu sais, puis que Pauly Shore se ronge les ongles d'orteil, puis qu'avec son autre pied, il a donné son autre pied à Stephen Baldwin, qui lui aussi ronge les ongles de Pauly Shore. Puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est le genre d'humour un peu crasseuse, un peu dégueulasse qui m'intéresse pas. Là. C'est l'humour d'un enfant de 3, 4, 5 ans, là, tu sais. Puis tout le long du film, ça reste à ce niveau-là, que les deux gars sont caves, puis ils n'ont pas vraiment d'intelligence comme dans les autres films de Pauly Shore. Il n'y a pas ce petit côté-là. T'sais, vers la fin, oui, ils vont surmonter un peu les problèmes, mais c'est parce que le problème qu'ils vont résoudre vers la fin du film, c'est le problème qu'eux, ils ont créé. T'sais. Au départ, ils n'avaient pas ce problème-là, puis c'est eux qui l'ont créé, puis qu'ils vont après ça devenir quasiment des héros parce qu'ils ont réussi à ramener l'ordre, mais c'est comme... S'ils n'avaient pas fait leur connerie du départ, ça ne serait pas arrivé, tu sais, puis... En tout cas, c'était... Mais tu sais, c'est correct, là, c'est, mais... C'est, j'ai pas trippé sur ce film-là. Je pense que là, j'étais rendu un peu... Je comprends aussi que le monde se soit essoufflé. Là, je les ai tous écoutés la même fin de semaine, fait que tu sais, c'est encore plus essoufflant, mais je comprends qu'après quelques années, les gens se sont tannés parce que je trouve que Biodome, ça... C'est vraiment stupide. Je te parlais d'un équilibre, là, c'est comme il n'y en a pas d'équilibre. Puis, tu sais, la première scène que tu vois, tu parles de ronger les orteils, mais moi, c'est juste Baldwin qui s'amuse à se cogner à la tête puis qui tombe des pommes. Tu sais, je suis comme, OK, non, ouais, c'est vraiment là, ce degré-là de stupidité. Puis, tu sais, Baldwin, il me fait pas triper. Là. Stephen Baldwin n'est pas. C'est pas un des meilleurs de la famille, mettons. Non, vraiment pas. Puis, c'est drôle parce que. C'est pas vraiment drôle, dans le fond, mais. Je sais que Pauly Shore il aimerait ça faire un deuxième Biodome, puis il dit que Stephen Baldwin est partant pour le faire. Fait que je sais pas si j'ai envie de ça. J'ai pas envie de ça. Tu sais, s'il faudrait que je fasse une suite à tous ces films, il y en a d'autres que je préférais voir que Biodome. Oui. C'est un film que c'est le fun quand t'as 12, 13, 14 ans, parce que je l'écoutais beaucoup dans ces années-là, mais l'ayant revu de manière plus mature, puis alors que je t'ai rendu, j'ai comme fait. Non, je suis plus dans ce. Je suis plus dans ce degré-là de ma vie. J'aime plus ce mot-là. J'ai passé à autre chose. Puis j'ai pas eu de fun vraiment à le revoir. Là. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Ben, c'est ça. T'as pas envie de voir non plus Pauly Shore puis Stephen Baldwin à l'approche de cinquantaine jouer ces mêmes personnages-là. T'sais. Ça va faire comme l'athlète chez les O2. Ouais, c'est moi, ça. Moi, c'est cet effet-là que ça va me faire, puis j'en veux pas tout de suite. De même, ça m'intéresse pas. Je voulais juste revenir 2 secondes sur le fait que j'ai pas mentionné, mais que tantôt je disais que l'affaire de la grenouille de Brendan Fraser dans Encino Woman, ça revient dans les autres films, ça revient dans Son in Law. On voit Brendan Fraser qui joue son personnage de Link, encore une fois, avec sa grenouille dans un party d'Halloween. Party d'Halloween, il est avec sa grenouille, puis sa flamme, puis il mange encore la tête de la grenouille. Puis t'as Pauly Shore qui fait une face dans genre, mais Dieu veut quelque part, ce gars-là. Puis dans In the Army Now, on a Brendan Fraser, à un moment donné, les personnages sont tous à la cantine, t'sais, en train de manger, puis Brendan Fraser qui passe à côté de leur table, son badge, sur son uniforme, c'est marqué Link, puis il dit, mangez pas le poulet, ça goûte comme la grenouille. Puis il fait juste dire ça, puis là, t'as Pauly Shore qui fait, this guy, quelque chose comme ça, il fait comme, il m'énerve, lui. Puis dans Biodome, je me souviens plus de la phrase exacte, mais quelque chose qui. Il y a quelque chose par rapport au goût de la grenouille, quelque chose comme ça, qui revient aussi dans le dialogue à un moment donné. Puis je me disais que c'était une référence encore à ce joke-là. Je trouve juste ça drôle qu'il le ramène de temps en temps de même. Ouais. Ensuite, j'ai été dans des affaires plus obscures un peu. J'ai vu un film de 1997. Ça, c'était après Biodome, donc, qui s'appelle The Curse of Inferno. C'est un film pour la télévision que c'est assez dur à trouver, qui met en vedette donc Pauly Shore et dans les autres acteurs, il y a Max Perlich, que tout le monde connaît à la face, mais probablement que le nom ne dit rien. Ned Beatty aussi, qui est un acteur, célèbre acteur qui a joué dans Deliverance, puis dans qui fait l'assistant de Gene Hackman dans les vieux Superman, là, qui fait Otis, le gros acteur Ned Beatty. C'est ça, le film The Curse of Inferno, c'est dans le fond, c'est ce qui est intéressant à ce film-là, c'est un des rares films où ce que Pauly Shore joue un personnage. Et non pas, il joue pas son personnage à lui, du Weasel ou. Parce que dans tous les films que je viens de nommer, c'est tout le temps une variation de Pauly Shore. T'sais. Tandis que dans ce film-là, il joue vraiment un personnage qui est plus sérieux, plus tendre et plus réfléchi et pauvre. Il fait vraiment aucune connerie. Là. Puis c'est ça, c'est deux voleurs de banque dans une petite ville qui ratent leur coup. C'est ça, Pauly Shore se ramasse avec pogné dans une histoire de gangster, pas de gangster, mais de petits mafiosos dans la ville, tu sais, de Ned Beatty qui run la ville, mais qui est super corrompu, en tout cas. Puis c'est quand même pas si pire pour un film, pour un téléfilm des années 90, là, puis c'est un film vraiment inconnu que personne n'a vu, là, puis j'ai pas détesté ça. T'sais. Si vous êtes vraiment, vraiment fan de Pauly Shore et vous n'avez jamais vu ce film-là, je le recommanderais parce que c'est une bonne performance de sa part. Puis ça, il est plus romantique, il est plus adulte, il est moins niaiseux dans ce film-là. Puis c'est intéressant pour ça de le voir faire. Après ça, je vais essayer d'être bref. Là. J'ai revu un film que j'avais vu dans les années 2000 qui s'appelle Pauly Shore is Dead, réalisé par Pauly Shore. Ça date de 2003. C'est un film dans lequel c'est semi-vérité quasiment parce qu'il nous montre sa vie au quotidien, tout ça. On voit son entourage, ses amis, tout ça. Puis dans le fond, c'est Pauly Shore qui a perdu toute sa gloire et tout ça et qui va faker sa mort pour retrouver sa popularité. Mais ça va avoir des conséquences différentes que ce qu'il espérait parce que les gens vont découvrir finalement qu'il n'est pas mort puis que ça va juste se revirer contre lui. Puis ce film-là est bourré de caméos, le titre de Tom Sizemore à Britney Spears en passant par Ben Stiller, par Adam Sandler, Michael Madsen, Paris Hilton, tout le monde. Jerry Springer, tout le monde est là-dedans. Tout Hollywood au complet. Puis c'est ça, c'est un film sur la célébrité, sur les déboires, et déboires d'une personnalité comme Pauly Shore qui était très, très, qui était au top, puis qui finalement, il retombe comme dans un bas-fond. C'est dérisoire, c'est de l'humour noir, puis c'est pas une grande réalisation. Là. C'est lui qui a fait ça avec des caméras digitales, puis ça fait cheap, ça fait très, très cheap. C'était au début des années 2000, fait que c'était pas la grosse technologie, là, puis tout, puis c'était pas super hot. On dirait un film tourné dans le salon de quelqu'un, quasiment, tu sais, un film tourné très, très cheap. Mais c'est quand même intéressant. Encore là, ça fait partie de son parcours, puis si on s'intéresse à son parcours, ben, je trouve que c'est faut que ce soit vu. C'est un film quand même qui a été... moi, je me rappelle que les gens en avaient beaucoup parlé à l'époque, puis je trouve que c'est un film important là, dans son parcours, puis dans... C'est ça. Si vous intéressez un peu à la déchéance d'acteurs un peu comme lui, ben c'est intéressant. Sinon, le dernier, je pense que c'est le dernier dont je vais parler. un film récent qui date de 2014 qui s'appelle Pauly Shore Stands Alone. C'est un documentaire. C'est encore lui, c'est lui qui l'a réalisé. C'est, ça a été fait l'année passée, donc c'est on suit Pauly Shore durant une de ses tournées parce qu'il fait du stand-up comique, il fait du stand-up, puis on le suit dans des petits villages, des petites villes américaines, genre dans le Midwest, je pense. Puis c'est donc on le suit pendant six ou sept, pendant une semaine à peu près, une semaine, six ou sept soirs de stand-up, puis on est témoin aussi de ce qui se passe dans sa vie parce que sa mère, qui donc, je disais, comme je disais au début, c'est elle qui renaît le Comedy Store à Los Angeles dans les années 70. Sa mère a été extrêmement populaire. Juste pour faire un petit bref affaire, la mère, Mitzi Shore, la mère de Pauly Shore, était comme la mère un peu spirituelle de tous les grands comiques américains. T'sais, c'est elle qui a comme starté la carrière de Robin Williams, de Richard Pryor, de Andrew Dice Clay, de Jim Carrey, de Roseanne Barr, tous les grands comiques des années 70-80, c'est Mitzi Shore qui les a startés au Comedy Store à Los Angeles. Puis là, elle souffre du Parkinson depuis plusieurs années. Puis ce qu'on voit dans le documentaire, dans Pauly Shore Stands Alone, c'est qu'on voit Pauly qui est obligé de vendre la maison de sa mère, qui part en tournée pour payer payer ses billes, dans le fond, payer ses factures, tout ça, mais il est tout le temps au téléphone avec du monde qui s'occupe de sa mère, tout ça, pour savoir comment est-ce qu'elle va, puis comment est-ce que ça va la vente de la maison, tout ça. Puis tu vois qu'il est stressé, qu'il n'a pas toute la tête vraiment assez chaud. Puis ça, tu le vois en tournée dans son quotidien, essayer de croiser des filles, essayer de... Tu le vois vieillir, tu le vois se poser des questions. Est-ce que je devrais avoir des enfants? J'en ai jamais voulu, mais est-ce que je devrais en avoir? J'ai 46 ans, qu'est-ce que je devrais faire là, maintenant? Est-ce que ça serait le temps que je me trouve une blonde steady et tout? C'est Pauly Shore qui se pose des questions existentielles. Pis, ça dure 1h20, là, mais j'en aurais pris 3 heures. Là, sérieusement, je voulais pas que ça finisse à la fin. Là. J'adore ce genre de portrait-là qui suit là, de jour en jour une personne. Tu rentres vraiment dans son quotidien. T'sais, tu vois Pauly Shore à l'urinoir. Ça ne m'intéressait pas de voir ça, mais tu le vois partout dans tout son quotidien durant sa tournée. Puis j'adorais ça. J'adorais. Je sais pas si c'est parce que j'aime voir des artistes dans leur quotidien ou dans leur. Du voir du behind the scenes, là, mais j'ai vraiment, vraiment adoré ce petit documentaire-là. Puis. Je le recommande vivement. Là, c'est pas juste parce que ça parle de lui, mais pas juste de s'intéresser à lui. Je pense que. Mais je trouve que ça montre une facette différente, quelque chose qu'on ne connaît pas de lui. Puis, je trouve son histoire fascinante. Tout ça, je parle de tous ces films-là, mais c'est juste pour dire que je trouve son histoire fascinante. Je le redécouvre maintenant. Ça faisait des années, mais j'avais fait comme tout le monde. Je m'en foutais de Pauly Shore. Il était comme mort là, dans ma tête. Mais je redécouvre ce gars-là. Puis c'est triste son histoire parce qu'il était tellement au sommet. Puis il s'est lui-même quasiment. Rendu prisonnier de son personnage du Weasel, tu sais. Mais il sait pas comment faire pour s'en sortir, puis je trouve ça triste. Puis en même temps, il réussit quand même à vivre sa vie. Maintenant, il a son podcast, il a son show, comme il dit, de stand-up. Il réussit à vivre sa vie pareil, puis il aimerait ça faire d'autres films à Hollywood, mais probablement qu'il en fera plus jamais. Mais c'est ça, t'sais, c'est un gars qui a l'air vraiment sympathique. Moi, j'aimerais ça jaser avec lui, là, sérieusement. Après avoir écouté son podcast plusieurs fois, j'aimerais ça jaser avec lui. Là. Il est un peu weird, un peu space, des fois un peu bizarre, mais je le trouve sympathique. Fait que c'est ça. T'sais. En gros, c'était ma grosse rétrospective Pauly Shore. Moi, je le trouve sympathique. Fait que je dirais jamais vraiment du mal de ses films. Tous ces films-là, la plupart des gens vont les détester si vous les voyez, mais. Moi, je suis pas mal tout recommandé, là, sauf peut-être Biodome, qui est quasiment un passage obligé si tu fais une rétrospective de sa carrière, mais je trouve que c'est un film assez médiocre. Oui, je suis parfaitement d'accord. Sinon, moi aussi, j'aime bien Pauly Shore, puis je le trouve sympathique, puis j'ai encore bien du plaisir à revoir les films qui sont bien ancrés dans leur époque, mais... Oui. J'ai grandi avec, fait que comme toi, la nostalgie fonctionne, puis j'ai encore beaucoup de plaisir. Je sais pas si c'est des films qui pourraient plaire à une nouvelle génération. C'est pas des grands films non plus, c'est pas des classiques de la comédie, mais moi, c'est des films qui, de temps en temps, ça me fait du bien de passer une belle soirée avec des films simples puis amusants avec un personnage que j'aime revoir. Puis non, tu sais, dans le nouveau documentaire dans Pauly Shore Stands Alone, c'est juste. Tu vois que le gars, il veut pas vieillir parce qu'il porte encore... Tu sais, il porte sa calotte à l'envers des fois ou un foulard mauve. Tu sais, il a tout le temps aimé le mauve, là, puis, je sais pas, il a encore son style un peu, son vieux style, même s'il a plus les cheveux longs, puis tout, là, mais tu vois qu'il veut pas vieillir, puis des fois, t'as tellement envie de l'envoyer se faire faire un gros relooking, parce que c'est comme, Chris, habille-toi en gars de ton âge, à un moment donné, là. Ouais, j'étais en train de me demander si tu parles de Pony Shore ou de Cool's Ice, Vanilla Ice. Je trouve que c'est le même genre de gars qui est comme « Hey, t'es vieilli, ça suffit, là, réveille. Là. » Ouais, ils ont le même problème parce qu'ils ont tellement été big vite, tu sais, puis ça doit être dur, j'imagine, de se retrouver, de se refaire une identité, puis surtout d'être rejeté, de dire « Ok, le monde, il m'aime plus. Là. Ils m'ont aimé, là, puis ils m'aiment plus. Là. Tu sais, j'étais une idole. Là. Je faisais courir les foules, puis maintenant, ben, j'ai plus personne qui m'aime. Tu sais. » Mais ce que tu vois dans son documentaire aussi, tu le vois faire le tour des petites villes, les gens viennent puis sont vraiment fanatiques. Tu sais, des gens qui ont trippé puis qui ont vu des millions de fois Son in Law, ben, Encino Man, puis qui se font signer des autographes, puis tout. Puis il y en a des fans. Tu sais, lui, ça lui fait du bien de voir ça. Tu sais, il y en a encore des fans, des gens qui trippent sur lui. Là. Puis je pense que j'irai voir son show, puis je me ferai prendre en photo avec, puis je tripperais, j'aurais du fun. Là. Ah, moi aussi. Fait que c'est ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour de ma rétrospective de Pauly Shore. Là. Mais j'ai eu du fun à faire ça. T'sais. Ben, ça paraît aussi. Puis si jamais il y en a qui connaissaient pas Pauly Shore, mais là, maintenant, t'as déjà donné une vague idée de c'est qui, puis ils vont peut-être aller les découvrir. Peut-être. Ou peut-être qu'ils vont dire, Rasti, ton mot, dis pas Polisher, il est mort, ouais. Je voudrais savoir. Puis... C'est vraiment un vestige des années 90. Là, fait, ouais. Est-ce qu'il te reste des films? Moi, il m'en reste juste un. Ok, il m'en reste deux, je vais passer. J'ai écouté cette semaine Gun Woman. C'est un film japonais. J'ai vraiment aimé ça. C'est un film d'exploitation. Qui semble sortir vraiment comme des années 70-80. Mais qu'est-ce que je veux... On en parlait tout à l'heure, des films qui tentent de se la jouer justement nostalgique, d'essayer d'utiliser la musique, le visuel, tout ça. Ce film-là, c'est un film fait dans l'esprit d'exploitation. Il essaie pas de recréer. Il essaie pas de maganer son image. Il essaie pas d'offrir du bad acting ou de la musique typique juste pour jouer sur la nostalgie. C'est juste un film qui est fait avec cette Formule 1, puis ça, c'est un truc que je respecte parce que souvent, il y en a qui tentent juste de recréer ça en termes d'hommage, comme on parlait, puis ça a pas d'identité, puis c'est juste comme « OK, ouais, t'essaies juste de me toucher par les sentiments », tandis que le gars tente juste vraiment de refaire une formule qui avait disparu. Parce que pour moi, le cinéma trash japonais, je trouve que c'était mort depuis un moment. La formule a changé, puis maintenant, la formule que c'était devenu, c'est The Machine Girl, L Driver, tous ces films japonais où c'est plus cartoon, que la violence est comme surréaliste, que des giclées de sang comme dans les mangas, puis c'est tellement over the top que c'est pas, moi j'appelle pas ça trash, je trouve vraiment c'est juste cartoon, jamais ça me choque, c'est juste divertissant, mais à la longue, je commence à être tanné de ce mode-là, puis avec une surdose de CGI, puis... Je trouvais que le cinéma japonais en avait vraiment perdu. Puis je trouve que Gun Woman revient à cet esprit-là. C'est un film avec un budget minuscule. Justement, le visuel est peut-être pas écœurant à cause de ça, mais il faut pas s'y attarder parce qu'il y a vraiment une super bonne volonté de recréer les choses là-dedans. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est que le gars s'inspire de classiques, mais sans juste les copier, le film va se forger sa propre identité. Même chose pour le soundtrack. Le soundtrack sonne très années 70. Tu vas me dire, hey, ça va me rappeler des films, tel film de ces années-là. Mais c'est pas un copier-coller, tu vas dire. Par contre, le soundtrack, il y a vraiment une sonorité puis quelque chose d'unique qui fait qu'il s'éloigne de ça. Puis le film, c'est ça. Le film, il y a une structure, possède la structure de l'un de mes films favoris qui est Trailer Call Her One Eye, qui est une œuvre culte du cinéma d'exploitation. C'est la même structure, je trouve, mais sans le copier. Puis ça, je trouvais ça vraiment génial. Ça raconte l'histoire de deux tueurs à gages qui, après avoir assassiné une jeune femme, doit se rendre à Las Vegas pour le point d'extraction. Puis durant la longue route qu'ils ont à faire en voiture, bien, il y a un des deux tueurs à gages qui va raconter l'histoire d'une revanche d'une personne pour, dans le fond, rendre le voyage plus divertissant. Puis, dans le fond, on va juste voir cette histoire-là qui raconte l'histoire de Mastermind. Le gars se fait appeler de même le je me rappelle même pas s'il y a un véritable nom. Vraiment, tout le film, il se fait juste appeler Mastermind. C'est un gars qui était marié, puis il va retrouver une bonne journée sa femme à la maison qui est en train de se faire violer, qui va être morte, qui va se faire violer, puis qui va se faire manger par un lunatique qui, lui, son trip, c'est de violer les cadavres puis de les manger, cannibaliste. C'est vraiment what the fuck, ce personnage-là. Puis c'est comme je dis, ça a un côté trash, c'est pas drôle, c'est quand même, c'est quelque chose de sérieux, le sujet est presque sérieux. Puis c'est choquant sans trop en faire. C'est genre le style de choquant qu'on a retrouvé dans les années 90 de films japonais, genre Les entrailles d'une vierge. Puis des films où ça misait sur le gore, puis pendant 1h30, c'est comme on va essayer de te choquer. Sauf que celui-là, c'est pas juste ça, c'est pas de la gratuité, puis ça passe pas une demi-heure à juste montrer le gars en train de violer la fille. C'est juste submergé, mais ça garde pareil un esprit trash qu'on avait perdu de ce cinéma japonais-là. Puis, il va être laissé pour mort avec une jambe brisée, un œil crevé, puis sa femme décédée. Puis, plusieurs années plus tard, il va acheter une jeune femme dans un marché noir où eux, ils s'amusent à vendre des jeunes filles. Puis, il va décider de l'entraîner à devenir une espèce de hitman badass pour mettre en terme son plan de vengeance, l'utiliser pour se venger. Puis, pour lui, elle vaut rien. C'est vraiment un outil. Puis, il dit à plusieurs reprises, il dit « Ah, tu vas retrouver ta liberté, tu feras ce que tu veux, je veux rien savoir de toi, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que tu m'aides à mettre en plan ma vengeance, puis c'est tout ce que je désire. » Fait que pendant la première heure du film, on va juste suivre l'entraînement de cette fille-là, comme dans l'autre film que je vous ai montré, Trailer, qui est un de mes films favoris. On suit l'entraînement de la fille qui va apprendre comment se battre, comment utiliser un revolver, apprendre les skills qu'il faut pour mettre en terme la revanche. Et pour y arriver à cette revanche-là, puis qu'est-ce que je disais, c'est j'en dis pas trop, là, tout le résumé, c'est ça, puis on le voit dans le trailer. Le plan du mastermind pour réussir à mettre en terme son plan, c'est que le lunatique, à chaque mois, va dans une place dans le désert complètement inconnue qui s'appelle The Room. C'est une place où il s'amuse à faire venir du monde pour qu'il puisse coucher avec des cadavres. C'est vraiment juste une place weird puis trash comme ça. Puis le lunatique va là à chaque mois pour coucher avec une femme puis la dévorer en même temps. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va endormir sa tueuse. Puis il va y intégrer à l'intérieur de son corps, il va faire une chirurgie puis il va y intégrer un revolver démembré. Tu vas avoir le chargeur avec les 10 balles enveloppées dans du plastique qui va être dans différents place de son corps. C'est over the top, puis en même temps, tu te dis c'est impossible, surtout quand ça arrive. Mais, je veux dire, t'embarques, puis ça va créer un certain suspense, parce qu'un coup que le film va arriver dans la fameuse pièce, qu'elle va se réveiller là, il a dit, à partir que tu te réveilles là, t'es tout seul, tout ce que tu dois faire, c'est tu tues tout le monde, puis tu vas avoir 20 minutes. Quand tu vas ouvrir tes blessures pour récupérer ton arme, t'as seulement 13 balles, t'as 20 minutes avant que tu te vides de ton sang, puis tu sois plus capable de rien faire contre les personnes. Puis au moment que tu vas avoir réussi ta mission, il va y avoir un gars qui va t'attendre à l'extérieur plus loin, qui va être là avec une valise de sang pour te faire une transfusion puis te permettre de survivre si tu réussis ta mission. Sinon, tu meurs puis ça finit là. Puis c'est ça. Le film, c'est juste ça. Puis je te dirais que la dernière demi-heure, c'est juste la mission. La scène est vraiment bonne. Je veux dire, il y a une bonne tension. Tu t'inquiètes pour le personnage de la fille. Elle a seulement 13 balles. Tu te demandes comment elle va réussir à faire. C'est vraiment over the top, mais pris au sérieux. À un moment donné, elle va manger une balle, puis la manière qu'elle va faire pour empêcher son sang de moins couler, elle va se couper les cheveux longs, puis elle va se faire un bandage avec ses propres cheveux. J'ai vraiment aimé ça. Moi, ça m'a vraiment rappelé ces films-là d'exploitation, mais pris avec sérieux, sans essayer de rendre ça ridicule ou d'offrir des performances volontairement pas bonnes pour que le monde en rit. Je veux dire, tu t'intéresses au personnage joué par Azami. C'est vraiment un personnage intéressant. Puis toutes les skills, puis tous les trucs que finalement le docteur va y apprendre, va y servir pour plus tard, ça va y apporter quelque chose de plus dans sa vie parce que c'est un personnage qui était détruit puis qu'elle avait vraiment une vie trash. Puis finalement, ça va juste comme venir la faire avancer dans tout ça. Oui? Excuse-moi, il faudrait juste que j'aille faire de quoi, 30 secondes ou une minute? Je te laisse parler puis je vais juste fermer mon micro et ma caméra, ça sera pas long. C'est correct. De toute façon, j'avais pas mal fini. Ouais, c'est correct, tu peux y aller. Mais c'est ça pour ceux que je raconte. Ben, c'est quoi, tu veux que je continue ou? Ouais, ok. Non, ben c'est ça, Gone Woman, je vous le recommande fortement. Si vous êtes un friand de revenge movie des années 70, puis du cinéma japonais trash, je pense que c'est un excellent retour aux sources qu'on avait perdu depuis longtemps, qui est traité avec sérieux, avec un réalisateur passionné, qui possède ces moments over the top, puis ces moments vraiment trash, mais faits avec un micro-budget, des effets old school, il n'y a pas vraiment de numérique. Moi, j'ai vraiment adoré ça. J'ai trouvé l'histoire intéressante. J'ai aimé les personnages. Puis la partie vengeance en termes d'action, elle livre la marchandise. Là, c'est un 20 minutes intense qui n'arrête pas. Puis j'ai vraiment trouvé ça trippant. Fait que Gone Woman, c'est vraiment un excellent film que je recommande fortement pour les amateurs de cinéma japonais. Sinon, vu que Jeff n'est pas là, je vais juste mentionner que moi, je viens de m'acheter Kingsman de Matthew Vaught. Je suis impatient de le voir. Je l'ai manqué au cinéma, mais j'adore Matthew Vaught. J'ai adoré Kid Cass. J'ai adoré son X-Men First Class. Je trouve que c'est un réalisateur vraiment talentueux. Il ne m'a jamais déçu. Même son premier film qui est passé un peu inaperçu avec Daniel Craig, Layer Lake ou quelque chose de même. C'est super intéressant. Sa filmographie est toute bonne. Puis Kingsman, je ne l'ai pas encore écouté, mais je vais sans doute écouter soit ce soir ou demain. Puis je vais en reparler pour le prochain épisode de Time Out, mais j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis Colin Firth a tellement l'air d'avoir du fun là-dedans. Puis ça fait différent de son maudit personnage. J'ai l'impression qu'il joue depuis dernièrement tout le temps le même genre de personnage de King's Speech. Là, puis je trouve que là-dedans, il a juste l'air de sortir de sa zone de confort. C'est comme, il y a du fun, il trippe, c'est un gros film d'action. Puis tout le casting a l'air de s'amuser. Puis j'ai vraiment hâte de le voir. T'as-tu revu Stardust depuis que t'as écouté Daredevil? Parce que c'était avec le même acteur principal. Non, je ne l'ai pas encore écouté, mais je vais me le racheter en Blu-ray. J'ai envie de le revoir. Je m'excuse parce qu'il annonce. Tantôt, je checkais sur Météo Média pendant que. Vers le début de l'épisode, il annonçait sur Météo Média qu'il pourrait avoir des. Des orages. Pas juste des orages, des tornades dans le coin. Formation de tornades. Là, l'orage a commencé pendant l'épisode, puis là, je suis allé voir si mes fenêtres étaient. Parce que toutes mes fenêtres étaient ouvertes, je voulais voir si ça coulait quelque part. Non, c'est ça, moi, ce qui me reste. OK, j'ai parlé de Laurie Petty tantôt quand j'ai écouté In the Army Now, ça m'a comme redonné l'envie de voir Laurie Petty dans d'autres choses. Puis je me rappelais du film Tank Girl que j'avais vu en 95, à sa sortie au 96, puis j'ai juste voulu le revoir. T'sais. C'est basé sur un comic book, c'est un film de 95-96 avec Malcolm McDowell, avec Ice-T, puis une jeune Naomi Watts que personne ne connaissait encore à cette époque-là, qui a les cheveux noirs, puis qui fait un peu la version, une sorte de Chloé O'Brien, pour ceux qui ont vu 24, une genre de petite nerd qui connaît tout de l'informatique ou presque. Puis c'est ça, Laurie Petty joue Tank Girl, donc son nom est Rebecca, je pense. Puis c'est une, c'est dans un monde post-apo en 2033, puis c'est ça, il y a une compagnie qui vole, qui s'appelle Water and Power. Dans le fond, c'est très subtil. Là, ils ont le pouvoir et l'eau. Et c'est Malcolm McDowell qui est à la tête de ça. Dans un de ses rôles de méchant, mais s'il y avait une moustache, là, il se tournerait à moustache. Là, il est vraiment méchant, machiavélique. Là, je l'adore, Malcolm McDowell, là-dedans. Comme dans à peu près n'importe quoi. Puis... c'est ça, Laurie Petty est vraiment, tu sais, je dirais pas badass, là, mais tu sais, elle est baveuse, elle est drôle, elle est le fun, elle a tout le temps des one-liners qui sont le fun, puis c'est un film qui est très, très années 90, là, c'est dur à décrire, faut le voir, là, c'est une expérience qu'il faut vivre. Encore là, c'est pas un film important, c'est pas un film sérieux, c'est pas un film qui a marqué l'histoire du cinéma, c'est juste un film drôle, le fun, qui passe vite. C'est quand même relativement bien fait, quoique il y a des maquillages. Il y a des créatures qui s'appellent les Rippers, puis leur maquillage, ça peut penser un peu à des gros chiens. C'est supposé des kangourous, des hommes kangourous, mais ça me fait plus penser à des gros chiens qui ont l'air un peu ridicules, mais sont faits par Stan Winston, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça. Les effets spéciaux en général sont corrects. Il y a beaucoup de maquettes, là, beaucoup d'effets spéciaux un peu boiteux des fois, mais c'est correct. Ça fit dans le style très comic book, très énergique. Il n'y a pas de moment mort dans le film. Il n'y a pas de. Mais encore là, le film ne souffle jamais non plus. C'est peut-être ça, c'est peut-être trop frénétique tout le temps. Mais sinon, c'est. Moi, je trouve ça juste le fun. Puis Laurie Petty est charmante là-dedans, est drôle. C'est vraiment très what the fuck comme film. T'as des scènes musicales. C'est un film aussi quasiment féministe, ou pas juste quasiment, là, c'est féministe, parce que à un moment donné, Tank Girl puis Naomi Watts vont dans une place où il y a des gars qui travaillent puis qui ont des genres de juste le mot en anglais, des crates, là, des trucs dans lesquels ils ont des armes de cachet puis tout, puis elle essaie d'aller prendre des photos de ça, puis elle sait pas trop comment s'y prendre, puis à un moment donné, il y a une idée qui vient à l'esprit. C'est tous des gros travailleurs, très, très, très mâles, très macho. Puis elle décide de les approcher en lui disant « Hey, je suis photographe, puis que je photographie pour un calendrier de travailleurs, tout ça, fait que peux-tu vous poser ces calendriers sexy, tu sais? » Puis les gars se prennent au jeu, puis commencent à prendre des poses sexy, tout ça, puis c'est vraiment niaiseux, tu sais, c'est comme leur virer de bord un peu l'image qu'on a habitude d'un calendrier sexy. Là. C'est vraiment juste des hommes avec des casques de travailleurs, puis pas très sexy, mais qui prennent des pauses. En tout cas, c'est niaiseux de même. Mais moi, j'ai trouvé ça bien fun. Puis j'avais le souvenir que j'avais aimé ça à l'époque, puis j'ai gardé la même impression encore. C'est le fun. C'est le fun comme film. Ta blonde m'a justement dit, Chantal, sur Facebook, que c'était un film qu'elle adorait. Moi, faudrait que je le voie, je ne l'ai jamais vu. OK. Mais c'est qui que. Je pense que c'est Criterion qui ont ressorti une édition Blu-ray ou une compagnie autre là, qui ont sorti une édition anniversaire ou de quoi. Puis j'ai déjà été tenté de me le procurer. Là, fait que je vais sûrement l'essayer un jour, surtout que Chantal l'aime beaucoup. Fait que... C'est pas un film à prendre au sérieux. Là, c'est... Ouais, je m'en doute, à ma mère t'en parle. C'est un gros comic book. Là. Niaiseux, un gros comic book niaiseux. Là. Sinon, ben moi je veux juste finir par mon dernier film, je veux juste en parler brièvement, c'est Gone Girl avec Ben Affleck puis Rosamund Pike. Il est sur Netflix, il vient d'apparaître sur Netflix il n'y a pas si longtemps que ça. Moi, j'en avais beaucoup entendu parler, puis tu sais, peut-être un petit peu trop, parce que je me rappelle de gens qui disaient qu'il y avait un twist dans le film. Puis en disant qu'il y avait un twist, ben là, tout dans ta tête, tu lis l'histoire de base qui est comme un gars qui sa femme disparaît, gna gna gna. Puis tu veux pas, tu sais qu'il y a un twist au milieu du film, tu vas te faire des scénarios dans ta tête. Puis ouais. Si moindrement t'es un petit peu intelligent, ben tu vas arriver à... Ça se peut qu'un de tes scénarios soit celui qui va arriver dans le film. T'sais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Je dis pas que c'est exactement ça que j'avais imaginé, mais c'était... Ce qui arrive dans le film faisait partie des possibles qu'il y avait dans ma tête. T'sais. Fait que j'ai pas été super surpris par le twist. Ça reste que c'est un film très intéressant, mais sans vouloir trop en révéler, je trouve que c'est un film qui ne se démarque pas tellement du lot de plein d'autres films dont Sylvain Desmentis a parlé dans ses vidéos, ou du genre de film que lui, il aime. Sans vouloir révéler quoi que ce soit, j'en dis peut-être déjà trop, mais c'est ça. C'est le genre de film à la Sylvain Desmentis. Rosamund Pike, elle est écœurante là-dedans. Ben Affleck, il est correct. Là, il est un petit peu... il est fidèle à lui-même. Puis sinon, c'est pas un film qui m'a vraiment fait tomber sur le cul. Là, je vois pas pourquoi est-ce que David Fincher s'est intéressé à cette histoire-là en particulier. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a attiré vers ça? Il n'y a rien de ça qui sort de l'ordinaire ou qui aurait pas pu être fait par un réalisateur quelconque dans les années 90. Là, comme je dis encore, un film à la... Un film que critiquerait Sylvain Desmentis sur ben, le monde en a trop parlé. Fait que moi, je me suis déjà créé plein de scénarios au point que j'avais l'impression de déjà connaître tout le film sans l'avoir vu. Puis c'est ça qui m'a fait retarder à l'écouter. Je ne l'ai pas encore vu, mais je vais l'écouter sur Netflix. Puis tu sais, le monde en a fait tellement une buzz sur ce film-là. Puis il y en a qui c'était comme c'est le meilleur film de Fincher, tout ça. Puis je suis comme. Non. Ok, ouais, c'est le meilleur Fight Club, c'est ça que tu es en train de me dire, par exemple. Puis des films de même. Puis je suis pas convaincu. L'histoire a l'air quand même déjà vue. Tu sais, j'ai pas l'impression c'est de voir quelque chose d'original. Très, très banal comme histoire, je trouve. Tu sais, je me doute que c'est maîtrisé techniquement, puis que la réalisation de Fincher, elle doit être vraiment excellente comme d'habitude. Mais je pense pas que ça va en faire pour autant son meilleur film. Mais je pense que j'en ai juste trop entendu parler. C'est le genre de film, ça, là, que ça serait sorti le vendredi. Puis il faudrait avoir rien lu, puis on aille le voir au cinéma. Puis ensuite, on en parle, parce que par la suite, là, le monde en parle tellement, ils en font tellement des buzz. J'ai vu des images, des fois, que je pense des images de trop qu'il n'aurait pas fallu que je voie. Puis J'ai juste l'impression que je vais juste jamais être surpris, mais que j'écoute le film. Non, c'est ça. Tu sais, j'en parle, puis j'essaie de pas trop spoiler, puis en même temps, je m'en fous un peu. C'est comme... Tu sais, c'est pas si important que ça comme film. C'est pas si intéressant que ça. Puis je regardais, puis je me disais... au milieu du film, ce qui me gossait aussi, c'est qu'à un moment donné, on a comme un... On revient comme en arrière pour nous expliquer comment ça s'est passé, le début, puis qu'est-ce que tout le mystère, comment ça a été fait. On nous dévoile tous les secrets du mystère. Puis j'étais comme... On se créait quasiment dans un Columbo où on me révèle toute la manière que ça a été fait, le meurtre. Puis j'ai pas besoin de tout savoir. Comme si on était pas capable de l'imaginer ou de faire notre propre scénario. C'est ça, je veux pas avoir... Je veux pas voir comment ça s'est passé. Je veux même pas qu'on me le dise. Il y a une voix off qui nous le dit. C'est comme... Mais moi, je m'en fous, tu sais. Je l'avais imaginé, tout ça. Je voulais le deviner, tu sais. Je voulais continuer à deviner tout ça. Mais là, ça m'explique tout. Il y a plus de mystère, tu sais. Puis, puis le reste du déroulement de l'histoire, c'est comme... Bof. C'est comme je dis, c'est un téléfilm quasiment des 90. Là, mais tu dis que le mystère et le twist, ça arrive à mi-chemin du film? Oui. Puis tu sais, pour moi, en tout cas, là, ouais. Le film dure comme 2h20. Justement, un coup que tu apprends aussitôt tout ce mystère-là, le reste devient-tu moins intéressant, justement? Non, ça vire en film. Film okay. Qui passe bien démenti. OK. Puis juste en disant ça, si on connaît Sylvain, mais ouais, ben, c'est là, quel genre de film. Ben, c'est drôle. Maintenant que tu dis ça, je pense que j'ai l'impression que ça confirme un de mes scénarios. j'en ai déjà trop dit. Ceux qui l'ont vu et qui veulent vraiment pas spoiler vont me détester en entendant ça. Fait que... Ben, de toute façon, tout le monde en a déjà trop dit. C'est ouais. Pas nouveau. Fait que moi, c'est pas mal tout. Ouais, moi aussi. Bon, ben... Il est midi 11. Ça va être l'heure d'aller dîner. Ben, je vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés. Merci à toi, Steven, d'avoir été là, comme d'habitude. Toujours un plaisir. Oui, toujours un plaisir pour moi aussi. C'est le fun quand on s'éloigne des fois de manière inattendue d'un sujet. Tu sais, je parlais du documentaire Nightmare tout à l'heure, puis on a commencé à parler un peu de tout ça, puis les expériences, si les gens en ont vécu, puis... ensuite, on a parlé de. T'as parlé de. Comme Fury ou Mad Max, puis on a commencé à parler de nostalgie. Puis. Des fois, je pense qu'on pourrait quasiment faire juste un épisode. Tu sais, des fois, on part sur un sujet de même pour être capable de juste faire un épisode d'une heure là-dessus. Fait qu'on se retrouve tout le temps avec un épisode de 2h10 à peu près du time out. Fait que, s'il y en a qui trouvent ça lourd puis difficile à écouter souvent, ben désolé, c'est pas voulu. C'est juste que. C'est vraiment comme on est juste là, puis on s'amuse à parler, puis on se met pas de barrière ou de limite de temps, puis vous n'êtes pas obligé de l'écouter au complet. Puis... Ben non, puis ça s'écoute en plusieurs parties aussi. Oh, ouais, c'est sûr. Si tu mets sur pause. Puis, prochain épisode, la semaine prochaine probablement. J'ai choisi le classique, si on veut. Ton dernier choix de classique avait comme laissé certaines personnes un peu, tu sais, je me rappelle, bon, on l'a dit, Vicky et Sébastien d'Horror Game Up trouvaient que ton classique, c'était pas vraiment un classique. Mm-hmm. Mon classique à moi pour la prochaine, c'est Quiz Show, le film réalisé par Robert Redford. Trois quarts du monde s'en souviennent probablement plus. Pour moi, c'est un classique, mais tu sais, pour le reste du monde, c'est juste un film inconnu probablement. C'est un film qui critique la télévision et donc... Donc, on a choisi pour Nanard Navet. Restez à l'écoute, stay tuned. Le film avec John Ritter et Jeffrey Jones et Eugène Lévy. Puis, un film qu'on a tous les deux bien apprécié quand on était plus jeunes et qu'on va revoir avec plaisir, je pense, pour cet épisode-là. Ouais. Quiz Show, ben, ça va être ta première fois, je pense. Puis moi, je vais le redécouvrir. Ouais. C'est un film qui m'avait beaucoup marqué dans les années 90 puis qui m'avait ouvert les yeux sur. Certaines corruptions au sein de la télé. Ça se passe dans les années 50. C'est avec John Turturro puis Ralph Fiennes. Puis c'est ça, c'est réalisé par Robert Redford. Je trouve que c'est un excellent film, mais c'est une vieille impression de 20 ans. Fait qu'on va voir si ça tient encore la route. Et donc, ben c'est cela. On vous invite à écouter ça la semaine prochaine. On va mettre les liens sur la page Facebook qui est facebook.com/bras-de-faire-des-films. Sinon, tout est sur notre site, lebras-de-faire-des-films.com. On a Twitter, on est sur iTunes, on est partout. Là. As-tu des choses à rajouter, Steve? Non, c'est pas mal tout. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés et on se revoit la prochaine fois. Bye! Salut. Girl, man, this is a song about a girl, bro, that came out to Hollywood naked from the farm. She's totally fresh. Maybe she's from Atlanta, the Midwest. You know she's milked cows, though, dude. She's totally clean. It's called Lisa, Lisa, the one I adore. I'm a stony, crusty dude with a mop on top. My melon's fully tweaked, but I'll never stop. Stop trying to reach the nugs from coast to coast. The ones with the cones are the ones I dig the most. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. Make you. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. I'm a melon, dude. Second verse. I'm cruising down the street in my Jeep. There's a Lisa chilling solo, so I give it a beep. Witness my words and my helmet too. Your donut's kinda fresh, I wanna glaze you. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. Whoa, man, you're intense. Lisa, Lisa. Lisa, Lisa. I adore you. This is the solo part, bro. This is when I like start riffing on it. Watch me try and wheeze it to chill. So this is the deal, right? Lisa, my mom's out of town, man. I'm telling you, she's pissed. We're having a huge major erasure up at my pad. Jacuzzi's bubble, chablisage, the whole gig, bro. Are you into it or what? Well, who's gonna be there? It's gonna be me and you, man. I have a boyfriend, so I have a girlfriend. The moral to the story, my stony, crusty buds. When Lisa shines you fully, there are other nugs. Keep your melon up hot, don't let her harsh your gig. Witness 3 o'clock, there's another rig. Lisa, Lisa. Poppy, Poppy. Buff the weeds. Lisa, Lisa. Poppy, Poppy. Munchies. We got a semi anyways. Bottom line is, man, just love one another, peace and stuff, all right? Word to the wind, Issa. Oh, I'm out of here. I'll call you later. Ha ha ha.